Le jardin aux betteraves de Roland Dubillard avec Michel Bouquet, Claude Pieplu, Romain Bouteille, Roland Dubillard, Maria Machado et la participation du Quatuor Berned. Réalisation Anne Lemaître. Du plafond. Non, non, non. Il est 21h. Oui, on sort, hein. Et puis quoi encore? Alors, ces notes, je les ai déjà jouées ici. Il est 21h. Il est 9h du soir. Je répète, là. C'est une salle de musique ici, ce n'est pas un hôpital. La prochaine fois que vous me frappez, moi, mon plafond, avec vos sales manches à balai, je téléphone à M. Schwartz. Je suis invité par M. Schwartz, monsieur, madame. Alors moi, je téléphone à Schwartz. D'ailleurs, c'est bien simple. Où est le téléphone? Qu'est-ce que c'est que ce téléphone à manivelle? C'est pas un téléphone. Il n'y a pas le téléphone. Ah là là là là là. Ah ben, ils ne pourront pas me faire croire qu'ils ne l'ont pas fait exprès d'être en retard. Il n'y a qu'un train à partir du port, je l'ai pris. S'ils l'ont raté, ils l'ont raté. S'ils l'ont pris, ils l'ont pris. En tout cas, c'est fini, je ne répète plus. Un quatuor, ça se répète à quatre. Tiens, juste pour le grincheux du plafond. C'est fini, je répète plus. Bille de clown, culturel, aphronoïaque. Je l'ai eu, il ne bouge plus. Hein. Même pas une ampoule. Une maison de la culture sans ampoule. Qu'est-ce que c'est que cette cave? 800 km de bateau à vapeur pour voir ça, sans compter le train. Le train du port m'amène ici et je vois ça. Un hangar à dirigeable ou quoi? Un caveau funéraire et pout, pout, pout. Et quand je dis pout, je m'en vais. Nanana. Ça va de mes nouvelles, vieil obus. Là, je vais faire un truc. J'ai des amis dans votre saleté de champ de betterave, vieux plouc. Tout est plouc. Et prout, je vous dis prout. À tout à l'heure, plouc aux betteraves et plouc à chevaux. Fonctionne plus, ne tourne plus ni dans le sens des aiguilles d'une montre, ni dans l'autre. Je suis d'un triste. c'est donc ça. Ah ben, ben. Tu dis Oh Oh là là oh, oh. Hein Bonsoir, Camorin. Non, mais qu'est-ce que c'est Ah, ben, c'est du bronze. Non. Ah, ben, c'est du bronze. T'entends? Vous entendez? C'est du bronze. C'est en bronze. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est un buste. Ah! Hein? Un buste? Non, vous croyez vraiment? Je suis trempé. Vous voulez tâter? Trempé. L'orage, ouais. Ouais. L'orage. Oh, ben, c'est ce que je dis, la pluie et tout. Comment va, comment est-ce? Jamais vu une maison de la culture pareille. À deux pas de la gare, oui. Certes, mais à 300 kilomètres du port. Agglomération la plus proche. Les autres ne sont même pas mentionnés sur la carte. Maison culturelle tout de même un peu excentrique. Trouvez pas? En plein milieu d'un champ de betteraves, de 14-15 hectares, une dizaine, une vingtaine d'hectares, j'ai pas eu le temps de les compter. Oh, puis c'est bien simple, je sais pas ce que c'est qu'un hectare. Vous me mettriez un hectare là, sous mon nez, je serais incapable de vous dire ce que c'est. Et les autres sont pas arrivés. Angélique, Guillaume, ils sont, je trouve, bizarrement en retard. Mais moi, je peux pas attendre. Ça fait 8 ans que j'ai pas touché un violon. Dans un quatuor, ça se remarque moins, mais quand même, faut que je travaille. Moi. Où se trouvent les rafraîchissements, Camorins? Il est 9h15, Milton. 9h15, oui. Attention. Attention à quoi, attention, Milton? Attention. J'éternue. Il y a un train. Un seul train. Nous avons pris le même, donc. Je suis dans cet auditorium depuis 1h30. Mais... Le même train, Milton. Le même train, oui, mais... Qui arrive à la même heure, Milton. Oui, nous avons pris le même train qui arrive à la même heure. Mais nous n'avons pas pris le même wagon. Voilà. Dans ce pays, aucun wagon du même train n'arrive à la même heure que les autres wagons du même train. Et ceci, on m'en a donné la raison, mon cher Camorins, la rareté du matériel roulant dans la principauté. Les trains sont débités en tronçons d'un wagon chacun. Et chaque wagon a son itinéraire particulier. Celui-ci fait la montagne, celui-là fait la forêt, d'autres la mer, la campagne, la ville, etc. C'est plus ou moins long, hein, d'où un décalage dans l'horaire des arrivées. Les wagons jouissent d'une indépendance presque totale par rapport au train et aux autres wagons. Chacun pour soi. Et la locomotive? On ne m'a pas parlé de la locomotive. Tiens. Oh. Ne faites pas semblant de vous intéresser à ça. Je vous observe, allez. Vous éternuez? Hein? Vous éternuez? Moi? Est-ce que vous éternuez? Mais pourquoi j'éternuerais? Alors n'éternuez pas. Je n'éternue pas? Mais qu'est-ce que vous avez? Qui c'est? Les voisins du dessus. Vous avez l'œil bizarre. Et d'ici à la gare à pied, 3 minutes. Vous connaissez bien Beethoven? Il est là-bas, derrière vous. Où? Quoi? Ça? Ben non, c'est un buste. Ben, c'est Beethoven. En bronze, alors. En bronze? Ben, c'est pas pareil. Je répétais tout seul quand vous êtes arrivé. Ah ben, continuez, mon vieux, continuez. Hein? Ah, c'est un drôle d'endroit, ici. Ah, ouais. Vous êtes tout seul. Ça veut dire quoi? J'en sais rien! Quelqu'un vous attendait, non? Il est parti? Non, il n'y avait personne. Ah. Mais qui vous a ouvert la porte? Elle était ouverte! Vous n'avez pas vu qu'elle était ouverte quand vous êtes entré? Ouverte, la porte? Y'a qu'à pousser! Quand on la pousse, elle tourne! C'est ce que vous avez fait, non? D'accord, je suis entré en poussant. C'est bien ce que vous vouliez. Hein? Bon. Maintenant, quel moment, répondez-moi franchement. Avez-vous le sentiment d'être ici dans une maison de la culture? Ben, vous l'avez vu, mon vieux, vous l'avez vu en arrivant à cette maison. Quand vous coupiez court à travers les betteraves, vous avez vu comment elle était bâtie, cette flèche, cette rotonde, cette cave à l'air libre, une maison de la culture. Ça se reconnaît, que diable! Écoutez, comment, vous n'allez pas vous mettre à feindre la bêtise par surcroît. Je vous parle pas d'architecture, vous le savez fort bien. Vous avez eu bien avant moi l'expérience des casinos, hein. Eux non plus ne ressemblaient à rien. Mais jamais, Camus, vous m'entendez, jamais, je n'ai vu ce que nous voyons ce soir. Dans tous, je dis bien dans toute maison de culture, toute neuve ou casino en ruine, dans tous, il y avait quelqu'un. Du monde. Des croupiers, des huissiers, des attachés culturels. Des plateaux de rafraîchissement sous des mains, des brouhaha, des pannes d'ascenseur, des bouches qui riaient de rien, sur des pendentifs en diamant et sous des lustres, parfois sous des lampions. J'ai même entendu rire sous des canapés. Mais tout ça pour vous recevoir, hein? Pour me recevoir. Alors, non mais qu'est-ce que c'est que ce casino, je vous prie, hein? Vide comme une chambre à air. Et cette salle de concert, où est-elle? Et le type qui paye, où est-il? Hein? Ah ben, si je paye ma tête, hein? Vous voyez ce violon? Eh ben, voilà ce que j'en fais de ce violon. Crac! Je fais mine de le casser parce que je ne suis pas riche, mais quand j'étais riche et qu'on voulait se payer ma tête, crac! Instantanément, il fallait que je me paye un nouveau violon. Voilà. Ce soir, ben, celui-ci, rangeons-le seulement. Je refais ma valise. Et je m'en vais. Vous direz tout ça à Angélique, Milton, pas à moi. Et à Guillaume. Pourquoi, ils voyageaient ensemble? Bah, qui vous l'a dit? Ils sont partis ensemble? Bah, espérons qu'ils arriveront ensemble et pas divisés en quatre par vos wagons. Moi, j'ignore. Bah, et vous entendez bien qu'il y a foule dans les couloirs. Simplement, on la détourne pour nous laisser tranquilles. Car on répète ici, Milton. C'est une petite salle de répétition. Un lieu où l'on fait connaissance, une sorte de hall d'accueil. D'accueil. Où nous quatre seulement devons nous réunir. Réduit d'intimité. Bien calme. Et situé près de la mer, à 300 mètres seulement de la gare. Oh, un hall d'accueil. Vous appelez ça un accueil, vous? 300 mètres de la gare. C'est étonnant le temps qu'on peut gagner en 300 mètres sur quelqu'un qui arrive par le même train. Personne, accueille personne. Et rien à boire. Vous avez vu la mer, vous? 200 mètres au bout du champ de betteraves à droite. Bon, on répète un peu en attendant. Hein? Oh là, comme c'est rouge tout ça. À deux? Écoutez comme il pleut sur le toit. Même pas du béton, hein, c'est du bois. Et la tapisserie rouge betterave tout autour. Moi, je ne dors pas sous du bois. Hein. Mais, voulez-vous savoir à quoi me fait penser cet intérieur? Cette espèce de sépulcre oblong, hein? À un étui à violon. C'est bien? Oui. Ah, personnellement, Guillaume, s'il faut que je le considère comme notre chef, on n'envoie pas un quatuor à cordes, même quand on en fait partie, dans un étui à violon, même géant. Là. On vérifie avant. Et quant à son Schwartz, il y a son nom sur tous les murs, tenez. Mais c'est tout ce qu'il y a. Et sur ce vieux fauteuil. Camoens, ne jouez pas du violoncelle tout de suite, je vous en prie. Répondez d'abord à ma question. Quelle question? Regardez ce que vous me faites faire. Comment, quelle question? Alors, vous ne vous posez pas de questions, vous, ici? Ah, vous avez tort de m'en vouloir, Milton. Écoutez, Écoutez-moi, je ne suis pas bien ici. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose? Non, je n'ai rien. Ce qu'il y a qui me gêne, c'est... cet endroit. Un endroit? Ben, vous venez de dire un hall d'accueil. Pas un endroit, hein? Oui, vous. Milton. Quoi? Nous ne parlons pas le même langage. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Une betterave, un verre solitaire, je ne sais pas, mais nous ne parlons pas le même langage. D'un endroit comme celui-ci, j'ai toujours rêvé dans mon enfance. Quelle humidité dehors. Et la pluie. Et le froid. Je voulais me creuser des trous. Je me revois petit comme un têtard et toujours nageant dans l'eau sale pleine de bouches ouvertes. L'eau pour un têtard, bouche ouverte partout, voilà ce que c'est. Prête à l'avaler. Vous ne devrez pas dire que vous avez l'air d'une grenouille. Et quoi? Cette petite boîte bien chaude où nous sommes, sans même une fenêtre par où la foudre entrerait, je ne sais quoi, de ces gros papillons noirs qui font dans la lumière de l'épouvante avec le vrombissement de leurs ailes. On ne sait jamais la taille qu'ils ont, ces papillons d'un autre monde. Souvenez-vous, l'horreur. Tenez, en voilà un. Où ça? Non, ce n'était que le papillon d'épouvante. Mais ici, pas de crainte. La pluie les abat dehors. La pluie qui tombe les fait tomber. Les papillons, les gouttes sur le toit glissent, tombent dans la gouttière. Et la maison, avec ses tuyaux sournois de haut en bas, les renvoie à l'ornière entre les betteraves, comme elle fera de la foudre s'il faut, avec de haut en bas Franklin, l'homme qui ressemble à une aiguille, et son fil après lui plongeant dans la terre avec la foudre. Ici, Milton, vous voyez bien qu'on n'entre pas. Ni pluie, ni foudre, ni fantôme. Même un huissier n'entrerait pas. Eh bien voilà, d'un endroit comme ici, j'en avais presque besoin. Et, eh bien, voyez-vous, Milton, je ne suis pas bien ici. Non, je ne le suis pas. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette cloison, hein? Là, derrière le piano droit. Oh, ne me parlez pas des choses qu'on ne voit pas. Mais les gens qu'on ne voit pas sont peut-être derrière cette cloison, derrière le piano. Angélique? Oh, elle n'est sûrement pas où vous la cherchez. Ah, si je l'ai oublié, ma bouteille. J'ai comme le pressentiment que nous ne les reverrons plus, Milton. Ni elle, ni Guillaume. Comment est-ce, vous rigolez? Bon, j'imagine. Je me méfie des trains. On prend le train, et puis c'est le train qui vous prend. La solitude ne vous réussit pas. Cet étui à violon, comme vous dites, que lui manque-t-il pour ressembler au wagon-salon d'un train qui nous emporterait je ne sais où? Les rails. Qu'en savez-vous? Est-ce que vous avez regardé dessous? Pour moi, ils ont dû oublier de descendre tous les deux. Et le train s'est enfoncé avec eux, comme un tire-bouchon dans la boue, parmi les betteraves. Oh, Guillaume, peut-être, mais Angélique, ça n'arriverait pas. Angélique, c'est autre chose. Elle sait voyager. Oh, Guillaume aussi, c'est autre chose qu'Angélique. Mais quand une chose et une autre chose, vous les mettez dans le même train, ça devient peu s'en faut la même chose. Oh, si ça veut, hein, et même si ça peut, hein, être la même chose. Si vous vous figurez que je consentirais à devenir la même chose que vous, restez tout seul dans votre coin, Camoens. Vous ne savez pas voyager. Oh, je ne suis pas tout seul. J'ai mon violoncelle. Voyager. Donnez-moi donc là qu'on voyage et qu'on joue juste. Tenez, en voilà un. Je ne le garantis pas, elle a voyagé. Voyager parfaitement. Tenez, en voilà un qui savait voyager. Et qui voyageait. Ah, j'ai sûrement perdu ma bouteille. Qui savait voyager? N'importe. Tenez. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, c'est pas moi, on me l'a raconté hier. Lui aussi, il voyageait. Tenez, voilà, le voilà, le voilà. Voilà ce qui reste de son casque. Il voyageait? Oui et non. Je n'en parlerai même pas de lui si j'étais pas en train de chercher cette fichue bouteille de quelque chose. Mais qui voyageait? Ah, mais moi, j'ai soif. Hein, j'ai faim, mon bide, ça sonne creux là-dedans. Non, mais qui, lui? un bébé, là, le bébé de cette espèce de traînée. Qui ? Mais vous fâchez pas. Vous la connaissez ? C'est la veuve de Bétoire. C'est le cuisinier du Zob Saint-Michel. Marie-Madeleine. Un bébé. Où ça ? Là-haut ? Là-haut, là. Oh. C'est curieux qu'il n'y ait pas d'ampoule, hein. Vous avez vu mon violon ? Le néon, rien. Le néon, c'est tout. Mais pourquoi vous regardez au plafond comme parce ça ? Qu'on y cogne. Ben non, c'est pas du haut que ça vient. Non, un bébé, je vous dis. Mais quoi, votre violon ? Oui, mon violon, vous l'avez vu. Mon beau violon tout noir. Bon, ben, prenez-le, hein, et faites l'expérience vous-même. Ben, moi, jamais vous ne me verriez prêter mes violons, hein ? Ah, ben si, tiens. J'en ai un tout neuf. Non, mais attendez, j'aimerais vous le faire essayer. D'où ça viendrait si ce n'est pas de là-haut ? Non, mais c'est du bout de là-bas, derrière le piano. Un bébé ? Oui, un bébé. Bougez pas. Charlot, enfin, un bébé, oui, dans l'âme, il est resté gamin. Mais physiquement, non. Il n'est plus tout à fait un bébé, hein, avec la trentaine d'années qu'il a mis à sortir du ventre de sa mère. Je rigole. Ça, vous pouvez pas savoir pourquoi. Oh, si. Parce que vous dites des grosses bêtises. Comment des grosses bêtises ? Pour vous faire rire, probablement. Mais quelle bêtise ! Mais non, c'est pas pour ça. Vous n'allez pas tarder à comprendre. Ah, ben, je l'ai pas oublié, pourtant. Il a besoin d'un archet spécial. Tout ça, il y a des limites. Le quatuor universel, hein, eh bien, on va voir ce qu'il devient sans violoncelle. Vous avez du feu pour mon narguilé. J'ai un narguilé. Oui. Eh bien, ce bébé, son casque, Charlot, c'est de la maison de sa mère qui vient de sortir. Pas de son ventre. Eh bien, il n'a pas supporté son casque. Dans les cosmonautes, on l'avait fait entrer. Comme un suppositoire. Forme torpille. Oui. Eh ben, son casque, il l'a envoyé à son oncle, chez qui il avait habité longtemps, hein, un brave homme qui voulait qu'il soit cosmonaute, Charlot. Tu veux pas être cosmonaute? Eh ben, tu seras cosmonaute. Et à peine reçu le casque, qu'il le lui renvoie à son oncle, à Charlot, en lui disant, si c'est ta putain de mère qui te fait cet effet-là... Marie-Madeleine, eh ben, tu seras aussi bien dans la voie lactée galopin. Vous avez du feu? Non, vous allez d'abord essayer mon violon. C'est un quoi ? Je vous le dirai après. L'orage. Je les vois tous les deux sous l'orage. Non, c'est pas eux. Votre violon. Mais, non, tenez. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, mon Charlot ? Il a pris son casque et il a mis une demi-livre d'explosifs dedans. Et puis, il a mis le feu à la jugulaire. Et boum ! T'explose. Bien fait pour son oncle. Ne dites pas du mal de Bétoire. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il croit bien faire. Oh, je ne dis rien, Bétoire. C'est un monsieur. Faites-moi voir ce violon. Mais, comme professeur de géographie, il n'y en a pas un qui le vaille, Bétoire. Attention. Faites-y bien attention. Hein. C'est tout de même de lui que je tiens tout. Absolument tout ce que je sais sur la Suisse. Mais taisez-vous un moment. Mon violon, comment un... Et je n'ai jamais mis les pieds en Suisse. Mais prenez. Ben, c'est un beau violon, ça, dites donc. Quel bois, on dirait, du marbre. Mais prenez. C'est du Crémone, ça, ou du Pontarlier? Mais prenez, bon Dieu, de bois, du Crémone, du Pontarlier, que ça peut vous faire. Prenez. Ah, mais prenez, enfin, mais... Je suis violoncelliste, mon vieux. Non, vous le voulez sur la gueule ou vous préférez ma godasse? Bon, tenez, allez. Le ventre creux, comme j'ai le ventre creux, allez. Je vais vous jouer un peu de Beethoven puisqu'on est là pour ça. C'est ça. C'est un violon mou. Et l'archet. Ah, c'est répugnant. On dirait de la gélatine, de la limace. Il est mou. Ça vient d'Amérique? Je comprends que ça vient d'Amérique. Il n'y a qu'en Amérique qu'on fabrique Et même des femmes, mon vieux, ils fabriquent dans cette matière-là. Et on peut s'en servir. Des monstres aussi, des trucs abominables. En Amérique, ouais. C'est drôle, hein? Ça a l'air vivant, non? Aliéné, mais vivant. Ah, oui. Mais, moi, un violon vivant, hein, c'est... Oh. C'est comme votre bébé, là, Charlot. Un violon vivant, ça me flanquerait plutôt la trouille. Oh, mais c'est qu'il marche, mon violon. Ah non, j'ai envie de rendre. Oh, mais de rendre quoi? Vous avez le ventre creux, vous l'avez dit il n'y a pas deux minutes. Et le bébé? Charlot, oh, bah, pas la peine de pleurer, il n'est pas mort. Écoutez, mon violon. Recommencez, voir. Quand vous voudrez. C'est pas du violon. Oh, c'est pas du violon. C'est pas du violon, non. C'est pas du violon, mais c'est du petit oiseau. Il y a un bouton dessus, hein. Et un petit magnétophone à l'intérieur, alors on appuie dessus, avec l'archet ou avec les doigts même, si on veut. Et à l'intérieur du magnétophone? Des piles. Pas un vrai petit oiseau, bien sûr. Je ne vous fais pas rire. Si. Oh. Non. Vous vouliez me flanquer le cafard, vous me l'avez flanqué. Oh. Oh, j'ai vraiment l'air de ce que mon oncle m'a dit que j'étais, moi, avec mon violon mou. L'élite. Vous avez vu le mien? C'est un violon noir. La barbe. J'ai dit noir. La barbe. Bien, ne le regardez pas. C'est un authentique Stradivarius. Branche cadette, il est vrai. Je tiens à ce que Guillaume l'essaye. Ouais, oh, Guillaume. Oh, je sais ce que vous pensez de sa manière de jouer du violon, mais tant pis. Hein? Mais comment c'est-il possible, ça, qu'il ne soit pas mort dans son casque, ce grand bébé avec sa demi-livre d'explosifs dedans et sa tête en plus à l'intérieur, ce... Hein? Oh, c'est pas... Allez, tenez, prenez-le, ce bout de casque. Hein? Comment? Hein? J'ai dit qu'il avait fait exploser son casque. Ben, j'ai pas dit qu'il était dedans. Ni sa tête, ni son cousin Arthur, ni sa souris, ni rien. Ah, il était autre part, loin. Non, à côté, blessé. Il s'est manqué, quoi. Oh, il s'en sortira. Son oncle aussi s'en sortira. Tout le monde s'en sortira. Un jour, je m'en sortirai aussi. D'où? Alors, un petit peu de gaieté. Ah, oh, allez, voulez-vous un soutien-gomme à la chlorobine? Allez, prenez. Ah, allez, on va répéter le mouvement gai de l'opus, je ne sais plus. Bon, allez, ça vous chassera les idées. Avez-vous un archet? Tant mieux. Un peu de colophane? Non? Ah, oui. Bon. Vous avez un là? Alors, accordons-nous. 135, quatrième mouvement. Vous trouvez l'endroit? Mesure 40. Angélique, quelle admirable petite âme. Une statuette, un élastique. L'offre et la demande. Groupe sculptural. Dans une gare, elle ferait l'offre à gauche, la demande à droite, l'horloge dans le milieu. Je l'adore. Bon, allez, jouons. On parlera d'Angélique lorsqu'elle sera là. Quelle heure est-il? À son horloge, je ne sais pas. Ça tourne. À ma montre, la nuit est tombée. Vous l'avez vu hier? Quoi donc? Pas quoi. Qui? Qui? Elle, Angélique. Ah, oh, bah, si vous me parlez des absents, moi. Hein. Allons, dites. Angélique? Non. Hier? Non. Et vous? Moi? Oh. Hier? Oh, non. Finalement, voyez-vous. Comment trouvez-vous qu'elle joue de l'alto? Bien. Bien. Bien, ne serait-ce son alto et la façon dont elle en joue, et le fait que membre d'un quatuor à cordes, la présence d'un alto m'est indispensable. Finalement, voyez-vous, Angélique, que je me passerai fort bien de la rencontrer. Demain, après-demain, toujours et à jamais. Ah. Non, ni hier, ni avant-hier, je ne... Vous ne... Angélique. Ah, ne recommencez pas à éternuer. Je vous connais. Vous savez qu'elle a de nouveau un cocu? De nouveau... Son petit dernier. Savez-vous qui est le dernier cocu d'Angélique? C'était pas vous? Oh. Alors, ben... Vous n'allez pas éternuer? Si. Non, pas cette fois. Si, si, si. Si. Non. Le cocu d'Angélique, il y a belle lurette que j'ai cessé de l'être, mon cher Milton. Allez, jouez-nous donc un petit air. Oh, j'ai le temps. Moi, je peux jouer avec vous. J'ai un peu mal à la nuque. Seulement, voilà. Cocu, tout le monde y passe. Mais savez-vous en faveur de qui Angélique vient de cocufier de mardi à vendredi dernier son dernier cocu, son dernier violoniste? Alors, écoutez, Camorins, dans tout quatuor, il faut deux violons. Hein. On appelle le premier violon et le second violon. C'est une tradition. Il est bien évident que le second violon est le dernier par rapport au premier. Hein. Clause de style. Il n'y en a pas d'autre après. Alors comment faut-il que j'en parle de ces deux violons? Ne me vexez pas, Camoens, ne me vexez pas. Oh, bien entendu, à vos souhaits, vous serez toujours le même. Oh, moi je m'en fiche, je joue. Quand on est cocu de l'œil droit, il faut bien s'attendre un jour à être cocu de l'œil gauche. Qu'est-ce que c'est? Non, pas là. Votre violon à sa mangeoire. Bon. Guillaume. Vous. Voilà. Angélique. Et enfin moi-même. Dans mon petit coin de violoncelle. Bon, alors. Ah, la solitude. Cet âge-là, moi aussi, j'étais seul dans mon petit coin et je pleurais. Plus tard. Mais il est peut-être encore temps pour nous de redevenir solistes. Hein, mon bébé? Bon, écoutez, si c'était pas là-bas, c'est ici. Hein. J'y suis, c'est à vous. Bon, allons-y. Non, ça me ferait plaisir, Milton, que vous commenciez tout seul, rien que pour voir. Allez, votre partie. Allez. Ma petite partie de second violon. Hein? Ah, ne faites pas la bête. Vous savez bien que Guillaume ne compte pas comme premier. Tu ne mesures pour rien. Il ne sait pas jouer du violon, Guillaume. Non, c'est une expérience que je veux faire. Bon. Ah, les voilà. Non, hein, non, c'est là-haut. Des gens là-haut qui pensent. Il pense. Quand on veut emmerder le monde, faut penser. La pensée, à quoi ça servirait, hein, comme outil? Sinon, à emmerder le monde. Ah oui, bon. Eh ben, s'ils veulent jouer de ce petit marteau-là avec moi, vous allez voir. Doucement, Milton, doucement. Non, pas doucement. Voilà. Ah, cette fois, vous l'avez vu. Voilà ce qu'ils ont fait de mon violon. Quatre cordes pétées. C'est une maison de la culture, ça? Ben, Schwarz. Mais regardez-moi un peu ces murs, hein? Mou. Des courbes. Et il n'y en a pas un qui soit droit, leur mur. Rien, absolument rien ici n'est rectangulaire. Ah, du mou, tiens, du mou. Comme un grand violon mou sous l'orage et couvert de betteraves, et nous sommes dedans. Nous, vous exagérez, dites nous. Non, pas... Nous, entièrement. Ouais, moins deux, oui. Nous, moins deux, on est là. Ce qui fait deux. Bon, deux. Mais si nous n'étions pas là, à deux, nous aurions peut-être quatre ailleurs. Où ça? Là où ils sont. Guillaume... Et Bettina. Enfin, je dis Angélique. Je m'en fiche d'être cocu Camoens. Il y a eu bien des cocus Camoens qui m'ont fait cocu. Ça m'est arrivé des tas de fois. Ah ben, moi, je les ai fait cocu. Voilà, aussi raide. Rond, c'est tout. Un escalier qui descend, moi, ça m'est égal qu'il descende. Ça ne m'empêche pas de le monter. Si on me met en boîte, cette boîte, je la mets dans ma boîte à moi. Et je la renvoie à son expéditeur avec lui dedans. Vous m'entendez? Et la boîte à Schwartz? Quel Schwartz? Où il est, ce fameux Schwartz? Où? Il n'a même pas délégué son chien bulldog à pied de marmite et collier de cristal pour nous faire les honneurs de leur fameux intérieur de boîte de canard à l'orange. Où il est, ce fameux canard? Et où elle est, cette fameuse principauté de suppositoire qu'on ne sait même pas quelle langue il cause et qu'il faudra chapeau demain, qu'il faudra dans les minuits la cravate papillon, la jaquette, le plat ventre et merci, c'est trop d'honneur qu'il faudra, d'honneur tu parles, le piston de cérémonie au popotin. Qu'il faudra quoi? Qu'il faudra qu'on leur donne? Qu'on leur donne? À tous? Quoi? Du Beethoven? Ma passion, Vierge Marie, si tu m'entends, tout Beethoven a ses poules pétraves sans oreilles et le nombril à la place du Rembrandt. Seigneur, tout ce que j'aime, mon Beethoven à moi, mes 5 derniers quatuors de mon Beethoven à moi. Ça veut devenir fou. Oh, mon chapeau. Mais mon chapeau. C'est la faute à Guillaume, Milton. Mon chapeau. Ah ben, si vous pleurez dedans, ça va le déformer. Oh, voilà où on en est, Jésus. Ah ben, c'est tout Guillaume. C'est tout le drame du quatuor chez Cézig. Chez Cézig. Hein, pas de la faute à Guillaume s'il s'appelle chez Cézig. Son père s'appelait chez Cézig. Oui, enfant. Allons, venez, Milton, calmez-vous. Allez, venez. Si vous aimez Beethoven, venez. On va en jouer un peu. Voilà. Et pas la moindre goutte à boire dans le moindre compte-goutte. Oh. Il y a des gens qui pensent à nous, j'en suis sûr, Milton. Oh. Ouais, ne me donnez pas envie de pleurer à mon âge, dans les trous de mon violoncelle. Ne pleurez plus votre violon, Milton. Prenez donc celui-ci. Tout noir. Oh, là, bah, mon violon, mais je m'en fiche. Ça m'est bien égal qu'il se soit fait sauter la cervelle. Après tout, ce n'était qu'un quatrième violon. Moi, j'en ai d'autres. Un quatrième violon, bien rare que ça m'arrive, hein, d'être un quatrième violon. L'orchestre de Boston, l'octeur de la Villette. Et ma famille aussi, le dimanche, on est 7 frères et sœurs. Un quatrième violon, les cordes sont encore jeunes. Elles pètent. Et j'ai aussi, tenez, dans ma penderie, un violon trop petit. Tenez, le voici. Eh, trop petit. Mon cinquième violon s'est fait écraser. Vous voyez ce qu'il en reste. Bon, ne parlons pas des autres. Voici pour l'amusement des connaisseurs le troisième, qui est une imitation de violon. Je ne m'en sers pas. C'est plutôt un violon pour statut de troisième violon célèbre. C'est rare, mais il y en a. Tout en granit. C'est la statue de Stanislas Larchet, troisième violon sous Louis XV. Sa statue bénévole qui m'en a fait cadeau le jour de son inauguration. À elle, de sa statue, à lui. Elle le trouvait trop lourd, son troisième violon, sa statue. Un peu, mettez-vous à sa place, tout en granit, pour toute une vie de statue. Et c'est long, une vie de statue, des siècles, on peut dire. 40 kilos multipliés par des siècles, ça chiffre. Et la musculature en granit, hein, c'est du dur, mais 500 kilos. Moi, ma statue, je préfère le bronze. Lourd aussi, mais tout de même... C'est creux. Hein. Bon, oui, bah, celui-ci, n'y touchez pas. C'est un premier violon. Je n'ai encore jamais eu l'occasion d'en jouer. Ouais. Tout ça pour tourner autour du pot. Vous êtes second violon, vous avez des tas de violons, mais votre second violon, vous l'avez oublié chez vous. Vous l'avez perdu. Il est chez Ford, en train de se faire vidanger, graisser, recharger les accus, je ne sais quoi. Le voici, cher monsieur Camoens, le voici. Dans son étui à part, en fourrure de petit louis, serrure en or. J'ai beaucoup d'affection pour mon second violon, sans doute parce que Je suis second violon moi-même. Bon, d'ailleurs, c'est à vous de jouer. Bon, bah, allez, mettez... Bon, alors, mettez-vous là. Ah bon. Non, non, c'est à Guillaume. Ah bah, vous n'avez qu'à sauter Guillaume. Bah, ce serait bien la première fois que je sauterais un premier violon. Un peu de colophane. Je préférerais un peu de Coulommiers sur du pain. Vous y êtes ? 4, 3, 2, 1, 0, go ! Entrez ! Ça, c'est vrai. C'est la seule réponse à faire. Les gens qui frappent, quoi, ils n'ont qu'à entrer. On n'est pas des sauvages, entrez ! Entrez ! Si tu trouves pas l'entrée, t'as qu'à faire un trou. Ballot, avec ton manche à balai. Je joue bien, hein ? Pas mal, et moi ? Entrez, bande de dégonflés, entrez, faites des trous ! On rigole. Un qui rigole pas, c'est Beethoven. Entrez. Beethoven, monsieur. Regardez son buste. S'il est content de s'entendre, comme il vibre. C'est musicien, le bronze. Vous aimez les cloches ? Mais entrez, ben entrez, quoi. Buste. C'est un la. Beethoven sonne le la. Oh, il n'y a pas que du la là-dedans. Il y a des harmoniques. Attendez, je peux me permettre, hein? Alors, Ludwig, on a pris un gadin? Oh non, la barbe. Alors là, on peut dire qu'on est cultivé chez les Schwartz. Espèce de plouc. Si Beethoven lui-même n'a plus le droit de faire du bruit, chapeau. Sale plouc. Plouc. Plouc. Et puis vous gênez pas. S'il y a quelque chose qui vous choque, venez donc. Il y a un Beethoven ici, venez le ramasser. Nous, on ne sait pas comment. Entrez. Ben oui, on vous dit entrez, ou ben c'est nous qu'on va monter, on fera connaissance. Ah, allez, c'est moi. Oui. Oh, pas bon Dieu, que c'est lourd. Oh, bon Dieu, j'en ai marre. Allez, allez. Hop. Oh. Bon, bon, bon. Ah. Oh. Ça vient de là-haut, ça. Pom, pom, pom, pom. Pom, pom, pom, pom. Ah ben, c'est la porte qu'on cogne. Pom, pom, pom, pom. Hey. Vous avez peur? Ah, non, pourquoi ça? Ben, quelqu'un qui dit hé, comme ça, en reculant. À votre avis, qu'est-ce qu'il fallait que je dise en reculant? Ou, pchit, paf? Non. Pas moi qui ai peur qu'on entre, c'est eux qui ont peur d'entrer. Voilà. La preuve, c'est qu'ils n'entrent pas. Ah ben, moi j'ai essayé de sortir tout à l'heure. Ah ben, c'est pas pareil, hein. Entrer, sortir, c'est même le contraire. Je n'ai pas pu. Comment pas pu? Essayer. On frappe. Raison de plus. Non, mais pourquoi on ne pourra pas sortir? Peut-être qu'on peut. Vous ne savez pas vous servir d'une porte, voilà tout. Bon, peut-être. Bah oui. C'est une porte à tambour. Il ne faut pas pousser, il ne faut pas tirer, il ne faut même pas faire coulisser. Il faut faire roter la porte. Lui faire roter sa rotation. Essayez. Moi, je joue du violoncelle, pas de la porte à tambour. Oui, mais ben, moi j'ai envie de faire pipi, là. Voilà. Et si cette porte ne s'ouvre pas, je vous garantis que... Oh, je ne sais pas ce que je ferai, mais je le ferai. Mais comment donc? C'est peut-être Schwartz. Mais comment donc? On y va, on y va. Bon, je vous le disais bien, hein, c'est vous. Il suffit de savoir s'y prendre, elle s'ouvre. Ah, commence, les intellectuels, hein. Je sors. J'arrête. Quel orange, hein? Les éclairs, pluie, là, voyez, moucheux. Bijoux, moucheux. Bonjour. Thierry Buyenborg, Émile, Sûr que je suis un calcif. Vous êtes soupe faite? Soupe faite, est-ce pas, soupe faite. Soupe faite, ma écolote amène. Sirement un prix. Ah oui, j'explication. Vous n'avez point, Titi, sans remarquer combien son imbru, petit talent touraine, c'est Jean Petrov. Petrov tout partout, Petrov à soute. Certes, il y a des chamans, hein, pour promenade mademoiselle, hein, pas douteux. Mais moi, j'accostume des scoupettes à trouver chien. Ah, même les Petrov, va plus vite. Aussi, ce qui pleut. J'accostume d'autres mes pantalons. Et quand mes chaussettes, mes gouttes, et tout à toute raison. Hein? Moi, je suis un bonhomme, tout simple. Oui. Moi, je te l'évatorais parmi tout, partout, les coups de rue. À te père un fils, historique, intégralement. Ma petite famille, popo, maman, une grosse mouteur, ma respectable, ou des couillons de ma sororette, hein, tout ça, t'es quoi dit, cultivateur et vente, la betterave de nos aïeux, c'est le même betterave que je t'ai prouvé voir à nos jours, tout partout à l'entourène. Cultivateur, à la piole, on à la pêche, on à la binette, oui, là, à la binette et tout. Moi, j'ai su des pommes de terrière. Lumpen pomme de terre. Mais tenez, ma grosse moutère parmi les betteraves, en l'année 1596, c'est pas d'aujourd'hui, elle fut brûlée vivace dans les flammes sous une bouchette par les courriers d'Astin-là, comme sorcilière. Sorcilière, elle fut, ma grosse aïeul. J'ai pas connu, mais elle sait. Historique, hein, je m'assouille parce qu'à sale fin, marculoté. Où est-ce que vous avez appris à parler le français? Pas sur le cadeau. Prends un place, mon gars. Moi, je m'assouille à le cul pâté. D'ailleurs, il est temps que je jette un coup d'œil sur ce qui se passe derrière ce piano. Le pied droit suffira. Mon violoncelle. Milton, le voilà. Non, c'est pas lui. Parapluie. Entre, installe-toi. Tiens, c'est comme moi. Ça va? Oui. Oh. Milton n'est pas là. Hein? Il était là il n'y a pas un instant. Dans les premiers, il est arrivé. Il y a environ trois quarts d'heure, une heure. Enfin, je lui ai demandé, si tu es en retard de... je sais plus combien de temps depuis le temps que ça dure. Il y a tout de même bien une raison. Si tu veux pas t'excuser, tu t'excuses pas, mais tu t'expliques. Tu comprends, j'étais arrivé le premier dans cet endroit où, regarde-moi ça, si le moral peut tenir. Hein? Alors je lui demande, Milton, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu crois qu'il me refait des excuses? Rien, et ceci, et cela, monsieur est même pas content. Jusqu'au moment, tiens, où il m'a dit, j'invente rien, pipi. Monsieur avait envie de faire pipi. Il vient juste de sortir, je te dis, à peine vous étiez là, qu'il n'y était plus. Il doit être dehors à patauger dans les betteraves son violon d'une main, de l'autre à siffloter les yeux au ciel, mine de chercher quelque étoile dans le tonnerre. Le train. Qu'est-ce que c'est? Angélique, est-ce que tu veux boire un peu de quelque chose? Viens, tu es toute mouillée. Où sont les serviettes? Où est Schwartz? Assieds-toi. Mais non. On répète ou quoi? Où est Milton? Venez, mon petit, c'est là, installez-vous. Voilà, votre partition est là, le 133, le 127, tout ce qu'il faut. Votre alto, où c'est-y qu'il est? Quoi? Ça va durer longtemps? Ah bah, au début, c'était quand je jouais du violoncelle. Maintenant, c'est changé. Tiens, écoute. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Pan, pan, pan, pan. Où est mon étui? Là. Où ça, là? Yes, le buste. Et Schwartz, où il est? Mais à quoi ça sert, ce que vous faites? On se tutoyait le mois dernier. Un violoncelle, c'est pas avec un violoncelle. Beethoven, hein? Tu parles, connu. Et moi, qu'est-ce que je suis? Rien. Je t'ai apporté un violon noir pour que tu l'essayes. Schwartz, Schwartz, Schwartz. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Ne m'occupe, c'est moi. Schwartz. Schwartz. Oh, oui. Il devrait être là. Ton étui. Monsieur. Je suis pas là. Je suis là, vous, rien qu'un sur mot. Ne m'occupe of me. You speak English? Un ripartour, Jésus. I un broadcasting ripartour. Here is my micro. Ainsi qu'à Boutsinville, my perfectionnat full magnétouf. T'as-tu vu, Didio? Parlez, mais. I am not here to speak. Ce que tu voudrais pour la broadcast? Savez-vous où se trouve Monsieur Schwartz? Yes, parlez. Oui, parlez. C'est enregistrant de record. Angélique. Tiens, t'occupe pas. Cache-boutonne, my bouton. Ah, mon étui. Tenez, mon violon, mon vieux, c'est un épatant, tout noir, sorti du crématoire de Crémone. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux avec Milton, hein? Qu'est-ce que vous avez fait de Milton? Et la répétition dans le compartiment, hein? Oubliez? Quel compartiment? Angélique! Eh ben, tu le sors? Tu l'ouvres cet étui ou pas? Mais de quel train? Mais laisse! Oh, mais j'ouvre. Non, Angélique, s'il vous plaît. Angélique, laissez-le s'ouvrir l'étui comme un grand jeune homme, là. Je ne vois pas votre alto, où est-il, hein? Vous avez une bien jolie robe. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de violon noir? Oh, rien, ça explose. Vous verrez, laissez-le se débrouiller. Vous avez perdu mes boucles d'oreilles. Milton! Bon, alors cherchons votre alto, voulez-vous? Mais il est là, son alto, il n'est pas perdu. Oh, mais en effet, quel gros étui! Viens donc m'aider! La part. C'est pas un étui. Ah non, c'est plus gros. C'est pas plus gros, c'est que. C'est pour elle et moi. Angélique. Son alto, mon violon, dans le même. Ah, oui. Vous n'avez qu'un archet? Non. Ah bon, vous excusez pas, mon vieux. Allons, patron, vous n'allez pas piquer un phare. Vous avez rajeuni de 20 ans depuis mercredi dernier. Angélique. Quoi? J'ai oublié mon archet. Mais non. Ah, c'est mon archet. Je sais où est le mien. Ah, chic, alors. Milton! Ah, oh, permettez que j'exprime cet atome de sa coquille. Bah. Angélique. Merci. Ah. J'en ai assez. Stargis Tricorne, tout le touti. Postérieurement, sera le montage. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce que vous voulez jouer, mademoiselle? C'est marqué, non? Là aussi pour vous. C'est sur les partitions. J'ai mal à ma dent. Et moi? Quoi, et toi? Moi, c'est dans ce creux. Il y a des moments, j'ai l'impression d'être à l'intérieur du creux de ma dent tellement j'ai mal. Et ça s'amplifie. Ah, comme c'est rouge ici, comme c'est rouge. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a? Qui? Angélique? Je suis enceinte. De qui? Et encore, c'est pas sûr. Thank you. pas pour moi. Hein, je m'installe. Ben voilà. On reprend, hein? Oh, mignonne. As-tu fait mon voyage? Non. Le train. On répète. Mais quoi? Ben, vous aviez commencé quelque chose. Pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une betterave que j'ai ramassée. Ainsi donc, vous aurez traversé vous aussi ce fameux champ de betteraves. J'espère que Guillaume vous aura donné le bras, à pied. Et semble-t-il, vous n'aurez rien remarqué. Quoi? La marée monte. Mes espadrilles, tenez. Ce doit être une espèce très spéciale de betterave qui résiste à des submersions quotidiennes. Peut-être la fameuse betterave à sel. Tenez, Camoin, attrapez-le. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je foute d'une betterave? Oh, tiens, dans le fauteuil, elle sera bien. Le là. Bon, là. Bon, alors. Faire de la musique. Faire. Tout est là. Et pour tout, c'est pareil. Faut le faire. 800 kilomètres. D'Édimbourg, le vapeur, le port, le train, les bottes qui prennent l'eau. J'apportais du saumon fumé, j'étais le premier, me voici, nous voici. Faire de la musique. Faire. À 20 ans, j'étais quartier maître à bord d'un ferry boat. Enfer. Quoi? Le quartier maître dans un navire par rapport au commandant et au maître queue, c'est un peu comme le violoncelle dans un quatuor. À 20 ans, navire, eh bien, comparons. Comparons. À 40 ans, ces petits trios sur les vagues, ces grands quatuors à voile, ces quintettes énormes dans la houle qui a pétrole, qui a vapeur, ils allaient d'un point à un autre, navire, sur les portées de la mer et du port au point d'orgue. Je compare, pour ce qui est de se déplacer. Le quatuor à cordes aussi, sans doute, il se déplace, et sans doute le ferryboat, moins vite et certainement plus rarement que nous, et monotone en plus. Que fait-il? Bah, il fait l'Angleterre et il fait le retour d'Angleterre à la façon de nos archets, messieurs. Du talon à la pointe et de la pointe au talon. Monotone, sans doute. Et si j'ai quitté la marine, c'est qu'avec mon violoncelle, je savais que j'irais plus vite de ci, de là, surtout plus touristique. Et du fric à la clé. Je savais que j'irais un peu partout, sitôt casé dans la renommée mondiale d'un quartet un peu dans le vent. Et nous y sommes, sans doute, mon violoncelle et moi casés, certes. Et micro-sillonnant la mer dont ce quartet accorde. Tous les deux, violoncelle, certes, lui et moi, du quatuor chez Sézig. Car c'est ainsi qu'on nous nomme du nom de notre premier violon chez Sézig, notre fondateur. Maintenant, chez Sézig, écoutez-moi bien. Guillaume. Guillaume, écoutez-moi bien, Guillaume, chez Sézig. Mon contrat. Ton contrat. J'étais prêt à le signer avec Bidenflot. Oh. Bidenflot. Oh. Oui, alors je veux bien que c'est pas un quatuor, mais c'est quelqu'un, Bidenflot. Et dans un trio, justement. C'est pas en quatre qu'on partage le fric, c'est en trois. Quoi? Hein? Tandis qu'ici, quoi, hein? Guillaume, moi, si on ne joue pas demain soir, qu'est-ce qu'il faut? Que je piétine mon violoncelle? Oh, bon, ça, je veux bien, parce que j'aime la musique. Hein? Quoi, Milton? C'est drôle qu'il ne donne plus. Quoi, monsieur? Laissez Guillaume tranquille. Comment tranquille? Avez-vous vu mes espadrilles? Le public viendra-t-il demain soir, à l'heure de la marée? À quelle heure demain, la marée? Hein? Qui s'occupe du public trempé? Qui s'occupe et qui d'entre nous a jamais fait l'expérience pour voir de jouer du violon avec un violon plein d'eau. Hein? Qui d'entre nous peut dire le son que ça donne, un violon plein d'eau, tranquille? Où, quand, comment, pour qui va-t-on jouer quoi? Et où sont les rafraîchissements? Il ne faut pas me reprocher de m'appeler chez ces... Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part à qui on pourrait reprocher de s'appeler Schwartz, hein? Bon, ayez l'obligeance, Milton, de me tenir mon violoncelle. Mais oui, oh. Oh non, Guillaume, quittez ce piano, vous ne savez pas en jouer. Moi, c'est de Budapest que je reviens. Ah, bonne réponse. Bravo. Non, je vous demande pardon, monsieur. Ah, écoutez le clavier. Hein? Eh bien oui, n'est-ce pas? Oui, nous ne sommes pas d'ici. Oui. Nous cherchons, par conséquent, nous souhaiterions trouver quelqu'un qui serait d'ici, vous, par exemple, si toutefois vous n'êtes pas d'ailleurs. Ah, ah, ah. Oh, monsieur Claviot et tout, hein? Non content d'être au nom du violonneux, monsieur Claviot. Écoutez, écoutez, écoutez. Non, bien chaîne musique, Beethoven sonate. Très bon, très bon clavier. Boum, boum, seulement. Ah, seulement, faut pas toucher ça. C'est pas un piano, c'est à moi. Monsieur. Oui. Thierry Beuyenborg, Émile Thierry Beuyenborg. Oui. Bettine Angelica, altiste. Guillaume Chessézig, notre commandant à tous. Violonneux, premier violonneux. Milton. Ah non, violonneux. Puis voici Milton, violonneux et tout, n'est-ce pas? Second violonneux, je m'appelle Camoens. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fichu de mon violoncelle? Ah, il est là. Voilà. Allez, on répète. Bah, tiens, ta femme. Camoens. On devrait commencer par le commencement. Oui, quelle importance. Ici. Ici. Bon. On reprend où, alors? Ici. Bon, mon archet, qu'est-ce que... Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce mélange? Non, mon archet. Mon archet. Tu peux pas... Tu peux pas faire attention à tes affaires. Allons-y. J'ai oublié mon violon. Oh, c'est drôle. C'est extrêmement drôle. Comme si ce n'était pas déjà suffisamment paradoxal. Faire de la musique et les circonstances. Ces milliers de Hollandais fusillés en Auvergne. La violonnette au moucheux. Touchez pas à mon alto. Son violon, s'il vous plaît. La petite mise moitié. Un bezou seulement. Oui, on verra ça plus tard. Digging. Quelle est votre nationalité? Mon violon. Gracieuse petite parisienne. Approche à Bourra. Qui se reverra, vivra. Oh, la Beethoven, il se foutouille. Le foutouille, un Schwartz. Permettez, mes modèles. Merci pour la violonnette. Une bêtra, une se foudouille. Et je m'en vais vous dire une bonne chose, ma petite bille. Qu'est-ce qu'une femme nue, hein, ma petite bille, ma smoidie? Une femme avec soustraction de sa colotte et de son aliting gorge. Voilà. Ça, voilà de la proie pour le peinteur. Hein. Non pour le peinteur peinturé, mais oui, pour le peinteur peinturant. Non de sous-mousse. Hein. Oh. Vous en allez pas comme ça. Marie, je vous salue. Tout avec vos bretelles, tout avec vos seins nus, j'y mets la croix dessus. Angélique, s'il te plaît. Angélique. Oui, c'est toi qu'on appelle. Viens faire ceci, là. Les exigences, monsieur Thierry Beuyenborg. Oh, ben il est sorti. À travers la cloison. Il faut bien savoir ce qu'il y a derrière cette cloison et ce piano. Ça ne vous regarde pas. Ah, mon violon. Moi, je le sais. Ah, qu'est-ce que c'est? Rien. Oh, pas grand-chose. Enfin, c'est pas beau à voir. Mieux vaut jouer de la musique, tiens. Le 135, premier mouvement, ça nous changera. Oh, ça nous changera. On les sait tous par cœur, alors. À vrai dire, je n'ai pas compris du tout ce que c'était, mais pas beau à voir. On répète. Moi, je trouve que ça se répète un peu, ces répétitions. pour le prix qu'on nous paye. Mesure 63. Oh non. Oui, bon, très bien. D'ailleurs, c'est bien simple. Un quatuor composé d'un alto et de trois cocus, ça peut pas marcher. Si vous croyez que c'est facile de jouer de l'alto avec trois cocus... Madame... Guillaume, pas la peine de faire semblant de regarder dehors. Nous savons tous depuis longtemps qu'il n'y a pas de fenêtre. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Dis donc, Guillaume, tu n'aurais pas un peu d'argent pour moi? C'est que j'ai pas été payé depuis chienne dingue. Ah, assez. Tout toujours ma faute, tout toujours, s'il plaît, tout, c'est pas de ma faute, là. Chienne dingue, si vous voulez savoir, j'ai été payé en boudas. Là-bas, c'est leur unité de monnaie, le bouddha. Elle valait dans les 1000 francs légers, dans les 6 francs lourds, dans les 95 000 francs papillons. Qu'est-ce encore qui n'est pas de ta faute, Guillaume? Vous allez entendre, Camarin, ce qu'on nous aura dévalué le Bouddha. Le Bouddha n'a pas été dévalué, il peut pas, il n'est pas garanti par l'état noir. Bon, alors par quoi est-il garanti? Il est garanti, voilà, il est garanti par du Bouddha. Je veux dire par le Bouddha. Le Bouddha est une monnaie structurellement religieuse. Faut le faire. Et malheureusement, folklorique. Oui, ce qui veut dire... Folklorique, ce qui veut dire que le Bouddha ne s'exporte pas. J'ignorais, mais c'est pas de ma faute. Voilà, total, nos Bouddhas sont restés là-bas. Tandis que nous, comme des cons, on revenait ici. Bouddha là-bas. Et ici, nous, les quatre, chez Césilien. Un jour, le franc se vengera. Nous, le Bouddha, on se le tartine. Vive le fric! Une monnaie religieuse. Et en Écosse, on a été payé comment? On n'a pas été payé. Guillaume. Oui. Schwartz, ben le fric. Ah oui, le fric. Schwartz. Eh bien, messieurs, je sais combien ces difficultés d'argent éprouvent votre morale. Je l'ai pensé. J'ai mon moral aussi. On l'oublie. Oh, tant pis, n'en parlons pas. J'ai pensé à vous. J'ai pensé à l'avenir. Alors voilà, en ce qui concerne la tournée actuelle... C'est la première fois. Une innovation que je propose vous paraîtra bien modeste, mais c'est un premier pas. J'ai suggéré à M. Schwartz d'introduire au programme, entre l'opus 127 de Beethoven et son opus 130, une œuvre moderne. Hein? Comment? Hein? Moderne? On n'en connaît pas. Attendez, Camoens. Guillaume a décidé que nous partagerions les droits d'auteur en quatre, sans avantager personne. Hein? Et l'auteur? L'auteur? Quel auteur? Quoi? Votre quatuor? Le vôtre, Guillaume? Celui où le violoncelle joue toujours la même note? Eh bien, tant pis! Là, on ne le jouera pas. Tant pis pour vous. Mon quatuor, on ne le jouera pas. Angélique, c'est lui que je savais bien qu'il me manquait quelque chose tout à l'heure, mais je l'ai perdu, mon opus 2. Tant mieux, tant mieux. Ça m'enlève une grosse épine du pied, grosse, grosse. Ça m'enlève un véritable violoncelle du pied. Ah ça oui, je suis content, je suis bien content. Toi. Lui. Moi. Moi. Moi et elle. Moi. Bon allez, ben, recommençons, on va bien voir. Allez, 2, 3, 4. Il ne fait pas si froid. Bah, ce qu'il nous faudrait, c'est du feu. Oui, mais non. Une cheminée. Où pourrait-on installer une cheminée ici? On pourrait brûler quoi? Ah, du bois. Ah ben là, par exemple. Oui, sous le buste. Ah, ce qui m'étonne dans ses biographies, c'est qu'on y dit qu'il a les yeux noisettes et les cheveux très fins, mais qu'on n'y fait jamais mention d'un chien qu'il aurait eu. À quoi bon avoir un chien quand on est capable d'être un chien soi-même parfaitement? Ni même d'un chat qui nous chaufferait à la place du feu dans ce tiroir. Mais d'un cheval. Ce que vous dites, ça me fait mal aux dents. Beethoven a eu un cheval. Oh, c'est pas avec un cheval qu'on se chauffe. Bah, vous savez comment, j'éternuais sans y croire. Trois chats dans une cheminée, à peine trois chats, cinq au besoin. Si toutefois la maman chatonne est du nombre, ça vous chauffe un appartement. J'ai connu moi aussi un cheval, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Pourquoi cherchez-vous toujours à m'amoindrir? Pourquoi? C'était peut-être le même. Cheval. Il n'y a pas de honte. Il s'en servait pas. Qui? Beethoven. De son cheval? Non. Et après? J'avais un cheval. Il était trop petit pour moi. J'avais 12 ans, lui 2. J'étais déjà trop grande. Les chats sont trop petits. Il était grand, comme trois petits chats. Était-ce pour se tenir chaud soi-même? Alors j'ai attendu. Il grandissait. Moi, je grandissais moins. De moins en moins. Sans toutefois pousser jusqu'à redevenir vraiment petite. Je dis vraiment parce que petite, on ne sait pas. Petit, jusqu'à quel point de petitesse on est resté petit. Dans ma main, quelquefois, je pense que je pourrais encore tenir. Petite, comme je suis restée, tenir. Et lui, sur ses quatre pattes, sans bouger, m'ayant dépassé en hauteur largement dans son pré, là où c'était vert. Lui, ce cheval, en fait, presque tout de suite, aussitôt, à cause de l'herbe, sans doute qu'il mangeait, il était devenu un cheval de dragon. De dragon, avec un dragon dessus. C'était encore le temps des cavaleries, les tanks ensuite et le progrès. Quand il est revenu des guerres, il avait perdu son dragon. Le jour où j'ai monté dessus, il était vieux. Il ne bougeait plus. Dans le même pré, c'était. Debout sur ses quatre pattes, il ne bougeait plus. Incapable. On aurait dit qu'il grandissait tellement il ne pouvait plus bouger. Et moi, à cheval sur son dos, je n'ai pas pu le battre. Je suis redescendue. Mon père m'a acheté un clairon. Mais le clairon... Ensuite, on a mangé mon cheval, vendu dans une petite boucherie de Montmartre. Rouge et or. Mon père s'est enterré à peine un peu après. Mais à notre époque, l'enfant n'a pas de cheval. Oh, ni cheval, ni crottin. Même ses billes, il les perd. J'ai eu des chats. Je n'ai jamais eu de chevaux, ni de cheval. Pour avoir est un bien grand mot. Avoir. Mais un cheval est plus dur à avoir qu'un chat. Sans doute parce qu'il est plus gros. Souvent plus gros, sans doute, que le verbe avoir même. J'ai eu des puces, parfois. Des gens m'ont attribué parfois. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas? La propriété d'une sorte de tréponème. Du courage. Du courage, monsieur. Mademoiselle. Du courage, du cours à l'ouvrage. Hein? Musique d'abord. À gauche et non pas sur la droite, vous portez vos violons. Sur votre cours qui bat. Attendez-vous, le cours, la corde, latinismus, sur sum cordae, hein, sous les violons de bois naturel, votre cours ou corde, et l'âme du violon que tu bit bois, sans vibre avec votre cours et sa corde aussi vibre, et l'homme, peu à peu, se fait, transforme intimement en quédon, en violonneux, monsieur, mademoiselle. Votre violon vous plantant son bois dans le cours vous transforme en violonneux tout entier de la jambe à la denture. Et quiconque aura joué avec le violon, il mourira violonneux dans son violon. Je crois que j'ai déniché le panier au casse-croûte. Ah, le casse-croûte, Angélique. Des boîtes, rien que des boîtes. Et nous-mêmes en boîte. Exemple, Beethoven. Ludwig van Beethoven. Ouais, ouais. En bronze. Ouais, c'est une boîte. Vous savez ce qu'on raconte? Des bustes de Beethoven en bronze. Il y en a beaucoup. Eh bien, il paraît qu'il y en a un à l'intérieur duquel a été enclose sa tête à Beethoven. Sa vraie tête, qui manque par ailleurs dans sa sépulture à Vienne, près du tombeau de Schubert. On a vérifié, on a ouvert les bières. Schubert a bien sa tête. Beethoven, la tête manque. Dans quel buste? Reste à savoir. Peut-être celui-ci. Il est bien lourd. Hein? Il sonne creux. Ah, ben, depuis 1827, c'est creux. C'est comme un œuf. Au Japon, j'ai eu l'occasion de rencontrer un œuf. Le contraire d'un œuf frais. C'était d'ailleurs un œuf chinois. Il avait plus d'un siècle. Là-bas, ils font vieillir les œufs de siècle en siècle. Et au bout d'un siècle, plaisir raffiné. Quelques jeunes mandarins, qui a de quoi, car c'est très cher, s'achètent un quelconque de ces œufs et le cassent. Or, ils n'y trouvent rien qu'une fine poussière. L'œuf est quasiment vide. La poussière se consomme avec délice, paraît-il. Je ne sais pas si on l'avale ou si on se la met dans les narines. Peu importe. L'important que je dis, c'est que l'œuf s'est vidé de soi-même. On peut taper dessus. Il sonne creux. La tête, si j'ose dire, a disparu de l'intérieur de l'œuf. Et notez bien, sans en sortir. Fable. Hendon disait de lui qu'il avait plusieurs têtes, plusieurs cœurs et plusieurs âmes. C'est vrai. Oui, nos têtes, nos cœurs, nos âmes. Ouais, 132. Troisième mouvement. Quelle mesure? 170. Oh non, pas celui. Oui, bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe sous le plancher? Scoutez! Scoutez les sonnets! Ça y est! Pâti! On est pâti! Sur des rouilles de chaman de phare! Monsieur! Mademoiselle, vous rouillez! Nous rouillons! J'arrouille! On est pâti! J'explication. Non pas nous naviguons, ce serait trop simple. Et flottant, et quand la marée tout partout les mettra, nenni! On rouille, oui, da, on rouille. Ça, c'est une couille à Schwartz. Excusez, un couille. Par chemin d'avare, sur des rouilles. Pitim, pitim, pitim, pitim, pitim, pitim. T'as compris, mon ami? Un couille à Schwartz. Thank you. C'est une pause. Eh oui. Nous avons aussi perdu le tonnerre. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, là, là. Mais pourquoi ne ferait-il pas tout à coup un peu beau? A longtemps roulé, le climat nécessairement change. Mon cher Camoens, puis-je goûter à cette boîte de sol? Servez-vous, Milton. Merci. Servez-vous de cet instrument, de cette sole en boîte, de cette viole de gambe extra plate. Oui. Boîte de sol extra plate, en effet. Mmh. C'est du luth aplati ou de la lotte en plaque, mais sans aller jusqu'à l'extra plat de la sole en disque. Mmh. Micro-sillon, pâté stéréo. Mmh. La sole a cet avantage de n'être jamais seule. Mmh. Vous la consommez, les arêtes vous arrêtent, prison. Mais liberté, vous la retournez, c'est une autre sole. À la carte. Une sole à la carte. Oui. Pom, pom, pom, pom. C'est le dos de la sole. Sol, sol, sol, do. C'est une carte. Comprends. Nous nageons en pleine musique, mon cher Camoens. Oui. Tenez, rendez-moi la clé de la sole. Hein? Malheureusement, dans Shakespeare, mon cher Milton, les calembours de cette qualité fleurissent sur les lèvres des personnages secondaires. Second violon pour vous servir. D'autres boîtes? Une boîte à bière. Hein? Angélique a bien fait les choses. Bettina. Non, non, je vous en prie, n'entrez pas dans leur jeu. Oh, cocu je suis. Non, ne soyez pas amer. S'il continue à l'appeler Bettina... Et si elle continue à l'appeler Beethoven... Je lui dirai comment je l'appelle, lui. Beethoven. Moi, Camoens, quand je l'entends, Guillaume, jouer du violon, j'ai saisi... Oui, comment vous l'appelez? Il le sera toujours assez tôt. Ah, dépêchez-vous, cependant qu'il est sourd, Camoens. Ces crises sont de courte durée. Non, ça dépend. Elles se produisent quand il a bu du rhum avant de manger des crevettes et après un choc émotif. Nous le savons. Mais la durée, nous ne la savons pas. Ça dépend de la quantité de rhum, du nombre de crevettes, de la violence du choc. Oh, ben, si vous ne lui dites rien quand il est sourd, vous ne lui direz rien non plus quand il jouera du violon. Et ça dépend aussi de la responsabilité dont vous l'accablez, Milton, et moi-même. Bettina. La bière en boîte. Comme si on pouvait faire de la musique dans un violoncelle en fer blanc et l'y conserver. Ah, on nous conserve bien dans un étui à violon, en bois. Mon violoncelle aussi était doublé de velours rouge. Mais la musique n'était pas dedans. Elle n'y est pas dedans. Je ne la fais pas sortir dehors avec mon ouvre-boîte, mon archet. Pour remplir l'espace où je suis, nourriture, pour être dedans, la musique est m'y laissée flotter à la façon des embryons. Ni moi dans elle, ni elle dans mon violoncelle. La musique. Prosite. Il dit prosite et il avale. Bettina. Oui. Mais pourquoi l'empêches-tu de dormir? Angélique, il faut qu'il dorme. Il se réveillera, non? Et alors? Et alors? Joséphine. Oui, mon loulou, dors. M'appelle pas mon loulou, tu veux? Non, mon Ludwig van, dors. Je travaille. Vous ne l'aimez pas. Alors, s'il se réveillera, Guillaume, vous lui lâcherez vos revendications sur le rable. Moi, le rable à Guillaume? Second violon. Il ne s'agit pas de revendication ni durable à Guillaume. Maintenant, si tu veux dire que nous, un Guillaume qui se prend pour un Guillaume, on n'en a pas grand-chose de plus à foutre ici que d'un Beethoven qui se prendrait pour un Chessésic dans un fauteuil Voltaire, ça oui. C'est pas loin de pas avoir tort. Un cerveau, il nous faudrait. Et ici, comme là-bas, c'est toujours que du pâté de tête. Moi aussi, je voudrais savoir où on va. Bon, alors on est d'accord. On m'avait parlé d'un festival. On m'avait parlé de cachet. D'un cachet. Moi, j'ai jamais su causer avec un monsieur là qui devrait savoir. Angélique, toi qui es si bien ensemble, essaye de le faire causer quand il voudra bien sortir de son Beethoven. Oui, ou alors si c'est à un autre qu'il faut s'adresser, Et il n'y a pas d'autre que l'autre. La tienne, où est-il? Il ne s'appelle pas Schwartz. Il chante. Et on ne comprend pas ce qu'il chante. Molo, d'instinct, truin, une expression proverbique qui dit « Toi, mon ami, tu es trop dans ta grenade, ce qui fait que toute traviole du boîte, la boîte crânienne. » Crânienne ou craintive, en français, comme stein. Rappelle-toi. Vous avez vu ce que vous avez fait à notre petit camarade? Sa tête. Sa tête. Elle est pâtie. Excusez, monsieur, mademoiselle, mais comme est-ce que disent les plombiers à chevaux, hein, boulot, boulot. Croyez-vous que nous devions préférer le laisser en liberté? Bon, si l'on comprenait ce qu'il dit, je serais partisan de le coffrer et volant sur la capsule afin qu'il nous renseigne. Mais pour l'entendre chouiner comme il fait, en hurlant de surcroît, ça ne vaut pas l'effort. Il m'agace pourtant à remuer ainsi. Bettina. Beethoven, mon loulou. Tu vas voir si je vais les faire taire. Oui, mon loulou. Ils se taisent. Tu vois? Écoute-moi ça comme ils se taisent. Qu'est-ce que ça peut te faire puisque t'es sourd? Oh, si je suis sourd, ils n'en savent rien. Tu m'écoutes? Si tu veux, je vais aller leur dire de se taire. Toi, à cette heure-ci, en chemise, ces gens-là, des obsédés sexuels? Reste ici, Bettina, c'est un ordre. J'ai pas bougé. Tu les écoutes. T'entends. Tes oreilles. Les oreilles. Tu les vois bien. Comme le nez au milieu de la figure. Tu les entends qui jouent. Visage semblable au mien. Et ton nez au milieu, je le reconnais. C'est de moi que tu le tiens. Et tu as calqué tes oreilles maladroitement sur les miennes. Tu ne peux pas dire une phrase qui ne soit une phrase de moi quand tu m'embrasses. Je pleure parfois tout seul dans l'espoir de ne pas pleurer tes larmes. Et toi, avec tes oreilles, tu entends ce qu'ils jouent au plafond. Pourquoi tu ne leur réponds pas? Tiens, où est mon bâton? À côté du fauteuil. Tu vas voir comme je leur réponds. Ça aussi, c'est du Beethoven, ça ne peut pas les gêner. Ils sont assez malins pour s'apercevoir que c'est pas la même œuvre. Bettina, tu m'entends? Non. Quoi non? Oui, mon Ludwig, dors. Je peux pas dormir. J'écoute. Tu te rappelles? Quoi? Ce qu'il joue. C'est pas la peine de me rappeler. Il joue assez fort pour que ce ne soit pas la peine. Oui, écrit ça, j'avais dans les... L'âge que tu as maintenant? Oui, oui, à peu près, 53, 54 ans. 1824? Oui. T'étais déjà sourd. Tu parles, je suis sourd depuis... Depuis que je te connais. Et ça, oui. À peu près. Beethoven. J'ai écrit ça à Vienne. C'est mon ami le prince Galitzine qui m'avait demandé des quatuors. C'était un bon violoniste, Galitzine. Mais il n'y comprenait pas grand-chose. Alors, quand il a reçu mon opus 127, il a fait une drôle de tête, Galitzine. Tu sais quelle année on est? Non. Il m'écrivait des lettres, Galitzine. 4 quatuors, il m'avait commandé. Mais moi, tu sais comment je suis. Si tu étais vraiment Beethoven, mon pauvre loulou, t'aurais pas besoin de lire des aides-mémoires pour raconter ta vie. Fais de la peine. Alors t'as qu'à dormir, je pourrais plus te faire de peine. Quand tu me parles comme ça, c'est bien simple, j'ai envie de me mettre des boules dans les oreilles. T'es sourd ou t'es pas sourd? Je suis sourd. Je n'ai jamais fait semblant de ne pas être sourd. Je suis trop fier pour avoir honte de mon infirmité. Je suis sourd. Et sourd des deux oreilles. Seulement voilà. Voilà ce que tu ne comprends pas. C'est que, comme je suis sourd, quand je me mets des boules dans les oreilles, j'entends des choses. Des choses que tu n'entends pas, justement. Passe-moi mes boules, veux-tu ? Les voilà, tes boules. Merci. Mais je te rappelle qu'il faut que tu dormes. Crie pas ! Je les mets. Crie pas. Prenez, monsieur, c'est un cachot. Un cachot de la valette, pire dormard. Une des interatoriennes del cachot, il y a la barbiture. Tu la valette, à l'instar d'un petit sub marron, une des rites interatoriennes de toi et ton bidon, monsieur. Et dès lors, il se désagrégationne. La barbiture hors du cachot fondant s'expansionne dans la mare intérieure de toi et ton bidon. L'interne dans l'interne s'externe. Et dès lors, c'est à toi d'être interne, une des rites interatoriennes de ton sommeil. Sur ton sommier, dans l'interne de ton sommeil. Le sommeil t'enveloppe aussi qu'un géant bidon. Dialectique, j'en causerai. Prends mon cachot si tu veux ronfler. Rentrez votre cachot dans sa boîte et laissez Guillaume tranquille. Ah, l'abstinence. Quoi ? J'ai presque tout compris. Moi aussi, ça m'ignore. Ah, ça m'étonnerait bien que ce ne soit pas le quatuor de la régie Renault. Tu tutes. Oh, je le reconnais au Turc qui tient, non pas le second violon, mais l'archet du second violon, qui a laissé sa main dans une fraiseuse. Enfin, dans la figure du frère d'une petite fraiseuse qui travaillait dans les framboises en conserve, pas loin de Billancourt. Et comme elle lui envoyait tout le temps des framboises, à lui, hein, pas au Turc. Enfin, merde, ça a fini par donner ça comme résultat, ce que vous venez d'entendre. Bon, je veux pas vous contredire, vous avez tout votre temps pour changer d'avis et manger. Voilà. Bettina, tu peux crier. Elle peut crier. Je ne l'entends plus. Je ne t'entends plus. Voilà. C'est toi qui es sourde à présent. À présent. C'est bien fait. Oh, tu peux fermer la lumière. Ça ne me dérange pas. J'ai les yeux fermés. Quelle drôle de voix on a quand on parle, les oreilles bouchées. On dirait du bronze. Un buste en bronze de Beethoven. Comme ils en font maintenant que je suis mort, ils ne parleraient pas autrement. Comme ça, je suis en bronze. Sauf qu'un buste en bronze, ça ne parle pas la bouche ouverte. Dommage que je ne puisse pas parler entièrement avec mon nez, mon menton, et mes deux oreilles et mes cheveux en bronze. Là, je ressemblerais vraiment à Beethoven. Hein, Bettina ? Elle ne répond pas, elle n'a pas entendu. Parole de sourd. Mes pieds, mes orteils remuent du calme. Ça fait un de ses potins, le pied, quand il gratte le tapis du bout de ses orteils. Les ongles, on dirait le métro. Je vais chanter. C'est beau. Mais je ne suis pas un buste. À preuve, un buste n'a jamais eu envie de faire pipi, moi si. On ferme ce qu'on peut avec ce qu'on a, la bouche avec une moue beethovenienne, les oreilles avec de la cire, mais le reste, et les pieds. Il faudrait faire avec mes pieds ce que je fais avec mes oreilles, les boucher. Allez, taisez-vous, mes pieds. Rien à faire. Je vais les endormir. Voilà. Avec des passes magnétiques. Dormez. Dormez. Les yeux, les oreilles, je me sentirai presque à l'abri s'il n'y avait pas ces orteils, comme les petites flammes de la liberté se prenant aux franges du tapis. Hein? Dormez, je le veux, quand ils dormiront. La surdité, pour le pied, qu'est-ce que c'est? Le somnambulisme, voilà. Le somnambulisme, c'est la surdité du pied. Sourd, aveugle et somnambule. Je ne vais pas tarder à me sentir à mon aise. Dormez. À son aise. Sitôt qu'il dorme, on ira faire une petite balade, mes pieds et moi. Et mes oreilles et mes yeux. Ah bon, je crois que ça y est. Allez, en route. Bettina, nous allons faire un petit tour. Tu m'entends, Bettina? Rien de vous. Les boules dans les oreilles quand on veut rendre sa femme sourde. Moi, tout jeune, avant de me mettre à ma table, la plume à la main, je faisais 3 fois le tour de la ville. Le tour de la ville. Le tour de la ville. C'est sourd ici. C'est sourd. S'il vous plaît. Eh bien, c'est sourd. Ça ne s'ouvre pas. Joséphine. Joséphine. Maria, Thérèse, Juliette, comment s'appelle-t-elle déjà? Hé, hey, oh, l'immortelle bien-aimée, comment, c'est sourd aussi, comment, ça ne s'ouvre plus, c'est bouché. Guillaume! Guillaume! Monsieur Terry Buyenborg, écoutez-vous! La porte ne s'ouvre pas. À 100 km à l'heure, on roule sur des rails. Moi, j'ai ma robe. On est malades tous les quatre. On ne roule plus. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Schwartz? On est arrêté. Monsieur Schwartz! Monsieur Terry Buyenborg! Ma robe pour demain soir, il s'agit de faire son métier, la musique. On a de la musique à vendre, et de la bonne, elle est signée. Label, votre buste, ma robe aussi, elle est signée. Je la mettrai. Maintenant, monsieur Thierry Buyenborg, vous allez cesser de vous taire. Vous pouvez nous le dire maintenant qu'on est arrêté, où on va? Angélique, Bettina. Quoi? Avec nous, un coup de Beaujolais en boîte, c'est du Beethoven 1825. Mais je la mettrai, ma robe. J'ai rien fouillé. Rien, je t'aurais pris pour mon nez dans les betteraves et votre nez à tout le timitou. Dans les betteraves et dans la biou, plouc et plouc à Schwartz. Mais on est pâti, responsabilitaire à bibi. Non, d'un bignou, mais scoutez, elle marche plus la bidouille. N'y rouille plus désormais sur des rouilles, à stop standing, elle a sombré dans les flots de la mare. Plouc, quoi faire? Ah, je vous demande quoi faire. Hein? Ma manivelle. Milton, un œuf. En boîte? En boîte. Voyez? Œuf garanti vécu, cuit au naturel dans sa poule. Un œuf. Dur. J'ai perdu mon homard. Dur à ouvrir. La coquille intacte a cassé, mais d'abord faut découper la poule et avant la poule faut ouvrir la boîte. C'est un œuf très dur, un vrai petit chef d'œuf dur. Permettez-moi de vous proposer en échange ma boîte de homard en forme de homard. Hein? Une sorte de fermeture éclair actionnée par une clé déshabille le homard de sa boîte, puis à l'aide d'un casse-noix livré dans un étui à part, il vous est loisible de le délivrer de sa carcasse. Tout nu, le homard, comme une femme blanche, enfin libre. Mais j'avais un violon noir, où est-il? Mon os de baleine blanche. Oh, vous avez changé de robe. Ah. Toute noire, Bettina. Comme on a changé de prénom, Angélica, Bettina. Guillaume. Loulou. Un œuf, ça me rappelle quelque chose. Rien de plus angoissé qu'un œuf. Et savez-vous pourquoi? Non. C'est un être qui sait que pour lui, l'essentiel reste à faire. Ah, mais on ne vous l'a pas dit, Milton. Quoi ? Vous étiez sorti par cette porte qui ne s'ouvre pas, vous étiez sorti. Je sors toujours quand je ne peux pas sortir. Autrement, non. Après sortir, voyez bien que vous laissez des traces à l'intérieur. On ne me l'a pas dit. Quoi ? Eh bien, elle aussi, Bettina. Je dirais pas un œuf, mais comme une promesse de poussin et l'oreille à l'intérieur. De sa robe ? Suffit pas d'ouvrir sa fermeture éclair, sa robe. Sa peau, alors ? Et puis quoi donc ? Mais quelle fermeture ? C'est au plus secret, devinez. Bettina. Non, mais de qui ? Bonne question. De qui ? Camoens. De moi ? On aurait bien voulu, on aurait bien pu. De qui cette musique ? La faire ensemble. Mais Camoens, la musique, on est trop vieux. C'est lui qui me l'a dit. Trop vieux. Il a pris du ventre, Camoens. Il joue du violoncelle, il joue d'un violon qui a pris du ventre. Oh, mais la musique, j'aurais bien tort de chercher. Il n'y a que moi dans ce quatuor qui aime la musique. Guillaume Chessézic ne joue de son premier violon que lorsqu'il ne peut plus faire autrement. Affolé par on ne sait quel fusil qui menace de le fusiller, la trouille. Regardez-le. Milton ? Milton, à cause de quoi es-tu devenu violoniste ? C'est à cause de papa. Tu joues mieux que moi. Tu joues le mieux. Tu es le plus doué de nous quatre. Mais c'est à cause de ta maman. Doué. Non, de mon papa, de mes parents. Ensemble, ils m'ont élevé pour ça, le violon. Mes parents. Ta maman t'a élevé violon. Oui, j'ai été élevé violon. Violon de laboratoire. J'ai suivi un régime spécial pour devenir violon, rester violon et ne pas grossir violon. J'ai eu un médecin de violon, médecin à violon, sorte de plante grimpante autour du violon. Et moi, je grimpais violon. Ouais. Seulement voilà, quand j'ai eu 18 ans, tout le monde a disparu. Papa, maman, le docteur. Violon, je suis resté tout seul dans mon étui, comme un con. Violon de naissance. Non, mes parents n'étaient pas des violons. Mais maman aimait, elle, le violon. Ma mère. Mon père, lui, fabriquait des poêles à charbon en fonte par petites séries de 8 ou 6, près de Bar-le-Duc, dans une petite usine qu'il dirigeait tout seul, mort en faillite. Moi, mon alto, je l'ai acheté toute seule. Je suis resté tout seul, à Bar-le-Duc, avec mon violon. Personne ne voulait croire que je jouais du violon. Et maman seule était au courant, et elle avait disparu. Une fugue, double ou triple, on ne sait plus depuis le temps qu'elle dure, sa fugue, jamais revue. Mais moi, je tiens mon alto toute seule. Mais moi, la musique, tout seul, je n'y pensais même plus. Toute seule. Mais c'est là que tu dérailles. Musique. Tout seul. Tout seul. Et d'ailleurs, pas plus moi que personne, je ne me croyais violoniste. Le désert m'aurait fallu comme une révélation. Moi, je n'y pensais même plus. Je cherchais ailleurs, partout, ce que j'allais devenir. Je me regardais dans la glace, le manche de mon violon à la main, hein, et je me disais, pourquoi pas champion de tennis ? Mais ma mère n'était pas née mère de champion de tennis. C'est avec ta maman que tu fais de la musique. Un jour, j'ai rencontré Viviane. Elle jouait de la flûte traversière. Comme quand on dit à quelqu'un qu'il a une tache de cambouis sur le nez, une tache qu'il ignorait, Viviane m'a dit, « Je vous demande pardon, monsieur, mais je crois bien que vous avez un don pour le violon. » Un don, ça ne s'essuie pas comme une tache avec son mouchoir. Et comment ? J'étais doué de tout ce qu'il faut à un grand violoniste. M'amuse pas. J'aimerais bien préférer un autre métier qui m'amuse un peu, mais je ne préfère rien. La belote m'ennuie. Tout m'ennuie. Je ne sais pas pour qui je joue si bien du violon, Angélique, mais je peux vous dire que ce n'est pas pour moi. Tu n'y penses même plus. Tu ne fais même pas exprès de jouer bien. Tu ne te rends même plus compte que tu joues du violon. Tu ne te rappelles même plus que tu étais mon amant la semaine dernière. Camoens, lui, a encore des envies de pleurer quand il pense qu'il ne l'est plus depuis 2 mois et que son violoncelle, hein. Quant à Guillaume, De l'avoir été hier et ce matin, mon amant, ça lui fait ce que tout lui fait. Ça l'affole. Mais moi, ce n'est pas pareil. Il n'y a que mon alto qui compte. Où il est, mon alto? Je suis venue ici pour vendre de la musique et j'en vendrai. En avant, vous autres! Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, bouger, ma tuyère. Je cherche ma boîte. Ma boîte à navigation. À qui tu la vendras, ta musique? L'alto, toute petite, j'ai choisi l'alto. Regarde-moi, Camoens. Bettina! Et toi, Milton, tu le veux sur la gueule? Mon alto, non? Hein? C'est que ça fait du mal. Ben, prends ton violon. Va essayer de faire du mal avec. Trop petit, le violon. Sur la tête en éclats, il vole. Et la tête est trop grosse pour passer au travers. Ha! Tandis qu'avec l'alto, le coup part aussi naturellement qu'il arrive efficace. Bon, alors, mon violon, c'est... Trop lourd. Pour l'attaque, pas maniable. On le voit venir. Et même au point de vue défensif, le rendement du violoncelle... Hein? Ben, musicalement, pour ce qui est de faire boum, la grosse caisse, ou sans aller chercher si loin, n'importe quel petit tambour. Oh, oh quand j'étais toute petite... J'ai dit. Plus tard, je me suis rendu compte. Et même jamais je ne me suis servi de mon alto pour taper sur les têtes. Et pourtant, j'en ai vu des têtes qui me voulaient du mal. Petite, j'ai dit, j'ai voulu avoir un alto. Et je l'ai. Plus tard, j'ai compris ce que c'est que non plus d'avoir, mais d'être un alto. Et je la suis, l'alto. Budapest, comme vous dites, est le fric, eh bien, l'alto, c'est rare. Citez-moi le nom d'un alto célèbre, ou simplement connu. En tant qu'altiste, je suis rare. Même au sein d'un quatuor, où les violons sont deux, il n'y a pas de second alto. L'alto n'a de compte à rendre à personne, solitaire et modeste. Mais si l'alto ne connaît pas la gloire, il ne connaît pas non plus le chômage. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans la vie? Avec qui? Quoi? Avec qui? Tu as commencé tout ça par avec qui? Avec mon alto. Les hommes. Comme si vous vous figurez que les hommes. Celui-ci, c'est comme si je l'avais dans mon alto. Un jour, on se demandait où elle est cette abeille. On l'entendait partout. Le miel était ailleurs. Un pot de miel, là-bas, mais le bruit venait de partout. L'abeille n'arrivait pas à sortir de cette grande boîte en bois, et plus elle volait dedans pour en sortir, plus on l'entendait vrombir de partout. Elle, dedans, et son bruit semblait revenir agrandi du dehors, comme... Cette note va d'abord se poser sur les murs, les quitter, se frotter au plafond, revenir... Comme cette note m'entoure de là-haut, de loin, et revient ici, dans le bois de mon alto, entre mes bras, se retrouver sonore et prisonnière. Une abeille. Une abeille de qui? On parle de musique, de fric ou de paternité. Bettina. De qui? Vous demandez. Eh bien voilà, vous n'avez qu'à choisir. Vous êtes nombreux, c'est à vous de choisir. Bettina. Pardon, mademoiselle. Oh, mais enfin, regardez-moi ça. Et ça. Et ça. Mais enfin, mes bons hommes, dites-moi, comment je pourrais aimer ça? Comment je pourrais aimer un homme? Lequel des quatre? Et vous n'auriez pas vu ma boîte? Comment c'est, monsieur? Votre nom déjà, je m'appelle Bettina, je cherche un homme, un vrai, qui s'appellerait Beethoven, un ami à moi, mon bien-aimé lointain. Il cherche, il est parti, il a perdu son nom, il a perdu son neveu. Dites-moi si c'est vous que je le retrouve, peut-être à l'intérieur de toi, ton somptueux costume. Il est noir comme un nuage. Il s'ouvre peut-être avec l'éclair, avec l'éclair, si tu veux, de ta fermeture. Dis, c'est toi? Qui t'appellerait peut-être par hasard, qui serait Ludwig van? Non, je m'appelle Emile. Wolfgang Amedeus Emile Tiribuyenborg. Compositeur de quoi? Compositeur de rien. Compositeur de voyage ou d'itinéraire. Et encore non, c'est Schwartz. J'exécute. Je suis le chauffeur, mise moi dit le chauffeur de son excellence, monseigneur, le prince de la principauté. Rien. Il a parlé français, hein. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas entendu. Eh ben, je sais pas. Je n'ai pas fait attention tellement j'étais... Mais toi-même, si tu t'appelais Beethoven, je te le dirais que tu serais trop laid. Question d'époque, là, les deux. On me trouvera beau plus tard. En bronze, ton buste, ton magot à toi, Beethoven. Eh bien, moi, je pense au mien, à mon petit magot de fric, lui qui m'attend. Lui, le magot de mon alto, le magot de mon instrument. Tout ce que j'ai qui m'appartienne. Et quant à l'autre petit magot, que l'un de ces messieurs m'a constitué récemment dans les entrailles, lui aussi, j'accepte bien qu'il m'appartienne. Je dépendrai de mon bébé. Justement, moi, c'est que, pardon, moi j'ai perdu ma bouette. Donc, qu'à moi, ça. Vous avez perdu votre bouette. Subito, hein? Tout à coup. Hein? Je me dis, ma bouette, où est-ce qu'il est, ma bouette? Même pas un triton de cadran, je l'avais là sous mes... Comment on t'appelle? Enfin quoi, sous les miennes. Elle était là, ma bouette. Mais votre bouette à quoi? Ma bouette à navigation. Qui navigue? Tout team. Elle était là sous mes... Alors nous naviguons, hein? Vers où? Dans quoi? Ça, je peux pas vous le dire sans ma bouette. Milton. On va le faire parler. Comment fait-on parler les gens, Milton? Eh ben, collez-lui d'abord un baillon. Moi, je le ficelle. Où elle est, ta boîte de navigation? J'ai rien fouillé. Où est-ce qu'elle était, ma boîte? Elle était sous mes... Je la retrouvais. Elle était sous mes faces, mon cheu, ma boîte. Elle est toujours sous mes faces. Je m'assise dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, baillonne-le quand même. Oui. Tenez, la voilà, sa boîte. Soit! Oups-là! Et alors? Qu'est-ce que c'est qu'une boîte à navigation? Montrez voir. Hein? Tenez, moi j'appelle ça une boîte à sardines. Confisquée! On vous laisse réfléchir, jeune homme. Remarquez, pour ce qui est de la navigation, rien n'est plus qualifié qu'une sardine. Vous le laissez réfléchir, vous? Oh, ben oui. Vous êtes un bravo, Milton. Moi, je le laisse crever. J'étouffe! Étouffé, nous, on n'a pas le temps. J'étouffe! Holtz! Schindler! Wegler, docteur Vavrouk, j'étouffe. J'ai le bas-ventre qui enfle. Ah, il va falloir me faire une ponction le 8 janvier 1827. Une ponction là, d'ici, d'où j'étouffe, dans ce lamentorium. Crène, il s'appelait Michel Crène. Crène, on ne peut pas rester ici. C'est vous, Crène? Écoutez-moi, mon vieux, je mets des choses dans ma musique. Mais moi, on ne me mettra dans rien, hein? Sauf plus tard dans mon bronze, en boîte. À Vienne, de chambre en chambre, on me cherchait. Je n'y étais jamais, j'étais toujours dans une autre. En 3 ans, lisez Romain Rolland, 40 chambres, j'ai passé par. Comme un collier de perles, les moissons filent. De la 1 à la 2, de la 2 à la 3, de la 3 et comme ça jusqu'à la 39e, que j'ai quittée pour m'introduire dans la dernière. Un 2 décembre, et y mourir, dans la Schwarzpanierstrasse. Et tout ça, pour qui? Karl, mon neveu. J'aurais mieux fait de ne pas rentrer de la campagne, de ne pas m'introduire comme un suppositoire par le trou de ce panier noir dont je ne suis jamais ressorti. Entrer, sortir, Karl, mon neveu, il n'était bon qu'à ça. Il sortait de chez moi, il rentrait chez sa mère. De la pointe au talon, du talon à la pointe. Karl, mon neveu, sa mère, Johanna, n'était qu'une pute, Marie-Madeleine. Rentrée chez elle, sortie de chez moi, entre les deux dans le vide. S'il s'est tué, ses deux pistolets, un pour maman, un pour tonton, à chacun son oreille, pan pan. Est-ce ma faute à moi? Moi que mon père avait traîné dès l'âge de Karl à 9 ans comme un singe dans les fosses. Est-ce ma faute s'il n'était pas content, Karl, de ce que je ne sais pas vivre? Mais je l'aimais comme un moi-même de 9 ans. Et s'il s'est tué... Beau travail. Il s'est tué, mais il n'en est pas mort. Un des pistolets n'a pas marché, celui de sa putain de mère. Ou celui dont il me dédiait à moi son tonton poudre et balle. Il n'est pas mort, il s'est manqué. Mort. C'est moi qui suis mort. Lui, qu'il vive sa vie dans la nature. Il n'est pas mort. Ni vous non plus. Vous n'êtes pas mort. Personne de vous autres. Jamais. Des histoires. Un genre qu'on se donne. Pour m'ennuyer. Pour me faire croire. Mais je le sais. Il n'y a qu'un mort. Et ce mort-là, c'est moi. Seulement, si c'est ici que je suis mort, faut me le dire. Moi, j'aime pas ça. Moi, je m'en vais. C'est tout rouge ici. On se demande d'où ça lui vient, tout ce qu'il raconte. L'inspiration. Ben, je sais bien que c'est pas de la musique, mais dans la mesure où un saxophone ressemble à un robinet, hein, il lui faudrait un robinet à Guillaume. Vous entendez, vous? Vous savez ce que c'est qu'un robinet? Dans la fin de la mare, manquerait plus qu'un robinet ici, d'un robinet qui fuit dans ce gros bidon. Pourquoi parlez-vous d'inspiration, Beethoven? Moi, je me demandais seulement d'où ça lui venait, toutes ces idées à Beethoven. Mes idées musicales me viennent à l'impromptu. Je pourrais les saisir avec les mains. Je me promène avec un morceau de papier à travers les monts. Un robinet. L'inspiration, ça souffle, ça ne pisse pas. Spiritus sanctus, pas dans les lavabos. Ah, je vais avoir ma crise d'asthme, moi, ici, tellement on manque d'air. L'inspiration, d'où pourrait-elle venir? Ah, de l'extérieur, bien sûr. Un bidon, vous dites. Non, je vois pas. Doublé de velours rouge, un bidon, non. Un poumon, si vous voulez, et à la rigueur, un poumon qui manque d'air. Ah, depuis qu'on ne roule plus, j'ai l'impression de flotter. Je ne respire plus, je me demande si nous n'aurions pas sombré. Cet étui à violon serait un navire submersible. Un poumon sous-marin? Vous ne parlez pas sérieusement, Camoens? Bon, on ne parle jamais sérieusement. Et actuellement, notre sous-marin stationnerait à l'intérieur de la mer et au fond. Alors l'inspiration, vous comprenez? Je ne suis pas enchanté par votre idée de bidon. Mais pour ce qui est de la musique, le plein air, vous savez, c'est pas gai non plus. Ah si, en Auvergne, en plein air, le biniou à travers les monts. Pas l'orgue. Même l'orgue ne fait pas la dimension du plein air. C'est un problème de logement. Quelque chose à remplir. Bidon, non. Mais cathédrale, il y a des choses qu'on ne remplira jamais. Le plein air. Le biniou dans une cathédrale. Rien, le biniou, ça ne remplit rien. C'est un pneu, le biniou. C'est lui qu'il faut souffler dedans, jusqu'à ce qu'il soit rempli, gonflé. Souffler dans une cathédrale. Ça ne la gonfle pas. On ne gonfle pas la cathédrale. On se laisserait plutôt gonfler par elle. Regardez Claudel. La cathédrale s'est construite comme la contrebasse, avec de l'habileté manuelle et du matériau, pas avec du vent, ni avec la bouche. Les cathédrales ne sont que rarement englouties, mon cher Milton. Il leur faut le plein air, le ciel. Les cathédrales, Camoens, gonflent le ciel. Oui, sous toute réserve, je le dis. Peut-être. Cathédrale. Croyez-vous au ciel, Milton? Je dis pour les grands hommes, Beethoven, quel grand mort! En voilà un qui ne tiendrait pas dans son étui. Cathédrale, l'espace, voilà ce qu'il lui faut. Et les astres en lui. Parfois je me l'imagine, Milton, mais immense. Semblable à son buste, certes, dont nous sentons la présence inquiétante ici, dedans, sur son socle. Respect. Mais non pas dans son buste. Un Beethoven emplissant tout l'espace. Et j'imagine un astronef où nous serions. Pareil à cet étui, Milton, tout rouge à l'intérieur et quant au dehors, forme torpille qui nous entraînerait hors de l'atmosphère dans l'espace, petit comme des astres, dans Beethoven, l'espace. Et il nous accueillerait dans son sein d'un véritable accueil, nous qui faisons de sa musique. Il nous recevrait dans notre modeste étui à violon et, nous saisissant par la poignée, nous mettrait sous son bras. Auriez-vous, Camorens, avalé toute une boîte d'hosties ? Non, ne dites pas de bêtises. Rappelez-vous notre tournée à Bizerte et cette pauvre Véronique. Ah. En voilà une qui savait tenir un alto. J'aime beaucoup Beethoven, Camorens. J'ignore s'il m'aimerait beaucoup, immense comme il fut. Je n'ai jamais été aimé par quelqu'un d'immense. Nous ne sommes pas immenses. Rien, nulle part, ici-bas, n'est immense. Vous soupirez, vous revoilà, qui pensez au biniou. Mais le biniou, ce n'est pas de la musique, le biniou. Une station d'air, entre l'air soufflant et l'air soufflé, le biniou. Mais pour vous clarifier, prenez donc une éponge. C'est pareil. L'éponge ne fait pas de musique non plus. C'est pareil au biniou, c'est juste le contraire. Ah oui, ne me parlez pas d'eau, s'il vous plaît, Milton. L'eau et l'air, c'est juste le contraire. Une éponge, un poumon... C'est... Mais quoi, l'eau aussi, ça entre et ça sort. Oh, l'inspiration, Milton... Mais prenez votre vessie, Camorens. L'inspiration ne vous prend pas autrement qu'une envie de pisser. Tu bois, donc tu crèves. Mais je ne vis pas dans ma vessie, Milton. J'y manquerai d'air. Plus que dans un biniou. Et sincèrement, à votre tour, prenez votre vessie, Milton. Mmh. Du matériau dont on fait les blagues à tabac, peut-être, mais elle ne finira pas biniou, votre vessie. Soufflez dedans un peu, inspirez-la, qu'on voit ce que l'air va tirer d'elle. Un biniou, ma vessie ? Mais pourquoi voir petit ? Et pourquoi pas ballon, à la limite, ma vessie ? Ballon en l'air ? Le jour où Parmentier a inventé la montgolfière, il avait levé le doigt en l'air et s'écriait-il « Je peux sortir ?»« Allez !» répondit son maître d'école qui ne croyait qu'aux urines. Mais déjà, Parmentier, arrachant à la terre les plus grosses de ses pommes de terre soufflées, s'envolait vers Panama, où il avait naguère oublié son chapeau. « des ballons, ce sont des ballons !» hurlaient les Américains, encore légèrement rouges de peau à l'époque. « Des ballons rouges, il nous en faut !»« Soit, voici mon brevet. » Mais Bismarck, d'un autre côté, veillait. Que fit-il ? Tout ! Pour obtenir le précieux brevet de ce brevet, il fit tout, et cela à la demande insistante de Kreutzer, qui croyait tenir l'assassinate, innocence, tandis que, plus malin, dans un petit village de Prusse orientale, les frères Zeppelin attendaient gravement l'heure des choses sérieuses en se frictionnant l'un l'autre les petites maquettes gonflables dont ils caressaient jalousement l'avenir militaire à l'intérieur de leurs deux culottes secrètes, sans boutons, à pont comme dans la marine, à l'instar de celles de leur oncle Bittenpaff, grand-père fameux de la petite Bertha. Petite Bertha qui devenait grosse à l'occasion des bombardements. Et une grosse Bertha, grand-papa. Et pont sur notre gueule à nous autres qui en étions encore à améliorer lentement l'usage pacifique du hachis parmentier, agrémenté de boudins gonflables et qui fabriquions des betteraves avec nos sucres de canne. Naïveté, trahison, le pape, les juifs. Les francs-maçons, peu importe, tout cela n'est que la stricte vérité. On me l'a dit. Je l'ai lu. J'ai eu 13,5. Ça m'était bien égal, ça. Maman préférait que je préfère le violon. Moi, j'aurais préféré qu'elle préfère que je préfère Boy Scout à cause du camping. Mais tout bien réfléchi, j'ai tout de même préféré que ma mère préfère que je préfère le violon à cause du violon. J'ai bien réussi. Savez-vous ce que je préfère maintenant ? Le violon, à cause de maman. Et j'ai eu 15. Un jour, je m'achèterai une Bugatti. En tout cas, Bettina, il ne ressemble pas à votre Beethoven. Beethoven. Et lui, Beethoven, est-ce qu'il ressemblait, lui, à Beethoven, Beethoven ? Attendez que j'en finisse. Je n'ai jamais ressemblé à Beethoven, c'est une affaire entendue. J'aurais bien voulu, ça ne m'est pas arrivé. Guillaume. Raison de plus pour l'être, Beethoven. Ce qui m'arrive à moi, Ce n'est pas de ressembler à Beethoven, c'est que je suis Beethoven. C'est plus rare. C'est même un cas unique, une question de destin. Pom, pom, pom, pom. Vous savez, Milton ne s'appelle pas Beethoven. Ni qu'à moi. Non. Je suis malheureux. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez mal à votre dent, Guillaume. J'ai soif. Et je vais boire. Et vous allez voir. Parce que pour ce qui est de ne pas ressembler à Beethoven, Beethoven lui non plus ne ressemblait plus à lui non plus quand il a été couché là et qu'il buvait et qu'il a été tout gonflé d'eau à force, un vrai tonneau, une vraie cornemuse, son hydropisie comme ils disent les docteurs, mon Beethoven, et sa ponction. Oh, j'en peux plus. Oh, crevé comme un ballon plein d'eau. Alors, vous avez entendu? Retirez-lui son baillon, je vais lui percer les oreilles avec mon archet. Dans l'eau, hein? On est dans l'eau. On est dans la mare, que je t'explique à Sion, à la merci d'un trou dans les parois de cet abominable abdomen, et qui, si tu ne réponds point, tout in quoi va t'y faire? Va te résilier l'abominable abonnement d'un bide. Tu connais Atlalik, Bifurcon, Jastricote, Bédur, Ajarc, Ajanjur, Ajarc, Ajarconé, plus qu'Ajargon, ce que je dis con. Ajarconé plus mon anglais, tout yodo, n'est plus mon français, tout à petit, cosy, femme, tout et que je les a comme ça. Ouais, par maté, que je m'épage. À votre avis, Milton va-t-il parler? Oui, mais de quoi? Il faudrait le lui dire. De quoi il faut qu'il parle? Oui, et même ce qu'il doit en dire. J'ai de l'angoisse. Il se passe des choses que c'est pas permis. Dans le fond de la mare, des éclairs, ça n'est pas permis. Plouic, plouic et bouic, ça c'est une orange que je tue popette. T'as la rouille. Guillaume. Qu'est-ce? Oh, j'ai mal à ma dent. Oh. Dans le fond de la mare, qu'est-ce qui se passe? Camoens, le buste disparu. Quel buste? Mon buste? Où est-il? J'ai perdu mon buste. Personne. Je vais vous le faire, Beethoven. Il entrait tellement sourd qu'on ne l'entendait pas. Et myope, on oublie trop ça. Myope, les yeux noisettes, mais vitreux. Le brouillard, à deux pas, on ne le voyait plus. Il entrait, invisible et sourd, les pieds dans son trio des spectres et de mauvaise humeur, son hydropisie pareille à une grosse noyade sur l'épaule. Je vais vous le faire. D'une fesse, c'est écrit. Pétina, Goethe, comme un grand Schwartz absent, sur son fauteuil lisait tes lettres, tu disais. Sur un coin du tabouret, il s'asseyait, et comme quelqu'un qui s'enfonce machinalement dans un trou de serrure, dans un arbre, à n'importe quel homme. Je préfère un arbre. Il laissait s'envoler sa main gauche et vaguement clavioter, prendre un accord et le nouer à un autre. Et tout à coup, c'était comme si quelque éclair, comme sur Franklin, fondait sur lui. Et c'était sur le piano, dans le piano, l'orage, la présence de l'instant présent, l'assistance déjà s'apprêtait à pleurer. On allait lui faire des choses dedans, à l'assistance, avec ce piano dehors, plein de choses dedans. Et vous allez le voir, je vais vous le faire. Bettina ? Oh ! Elle s'est enfuie, la bien-aimée absente ? Je me souviens. Le silence. J'avais beau me frapper le front avec mes poings pour faire boum, boum à l'intérieur de mes oreilles. Ce boum, boum. Je n'y croyais pas. Ce bruit était à l'intérieur. Il ne me venait pas des fleurs, des vaches, des prairies. Boum, boum. Il y avait aussi à l'intérieur le bruit de mon cœur. On l'a reconnu dans ma cabatine de l'Opus 130. Boum, boum, boum, boum. Le docteur Mendel, en 1839, dans ma cabatine, a trouvé la preuve que j'étais mort d'une angine de poitrine. Autre docteur, autre diagnostic. D'autres m'ont fait crever d'une impardonnable maladie de foie. Il m'avait, de mon vivant, le docteur Warwuck, interdit mon vin rouge, mon vin rouge. Et qui pensait-il d'autre que mon vin rouge qui me tiendrait compagnie? On écoute le vin rouge. Rien de plus sourd que le vin rouge, on s'enfonce avec lui. Dans la surdité, les battements d'oreilles, papy. Silence était devenu tellement fou, comme un été fou, si fort, si intense, qu'il faisait partout pousser de plus en plus vite des petites, des grandes, comme des feuilles sur les murs, au coin des plafonds et au-delà des plafonds, et des murs les plus énormes, invisibles, les plus attentives des oreilles. Des oreilles partout, pas un pas, pas un geste, le cœur muet, la poitrine bloquée par la peur de toutes ces oreilles qui m'écoutent, pas un souffle de peur que la plus petite de ce feuillage d'oreilles ne l'entende, mais toutes les oreilles, tout le grand espace, la nature, oh mon Dieu, peuplait l'oreille, entendait, écoutait, auscultait le bruit de mon cœur. Toutes les oreilles des murailles et de l'extérieur espace avaient mon cœur à elles. Entre leurs pattes, entre leurs dents. Oh, je n'y peux rien. Mon cœur n'est plus à moi. Il est pris. Oh, je vous le donne. Emportez-le. Écoutez-le là-bas, chez vous, dans vos tanières d'oreilles. Sales oreilles, aux dents aiguës, aux dents adroites et gentilles. Oreilles comme un chien qui peut de ses canines transporter un œuf sans le casser. Emportez mon cœur. Emportez-le, que du moins, moi, ce cœur écouté, je ne l'écoute plus. Ce cœur qui se s'est entendu, je ne l'entends plus. Mourir. Alors, il y a eu cet orage. J'étais sourd. Et j'ai tout de même senti le tonnerre, vu l'éclair. J'ai tendu le poing à l'éclair. C'est marqué dans toutes mes biographies. Frapper du poing ce tonnerre qui, pour moi, ne faisait pas le moindre effort, n'était pas capable pour moi du moindre bruit. J'ai frappé le tonnerre du poing, comme du poing ma tête, pour qu'il résonne. Rien. Le tonnerre était sourd. Je suis mort. Mon ami Schindler, ou si c'était Holmes, je ne sais plus. Non. C'était Unterbrenner, Anselm. Eh bien, il vous le dira, Anselm. Je suis mort. Mort d'un coup de poing que j'ai donné au tonnerre et qui n'a pas fait de bruit. Peut-être si tu ne te prenais pas pour Beethoven tout le temps, peut-être quelquefois tu ferais de la musique. Mais quoi, bon, si je ne suis pas Beethoven, moi je me tais. Comment faire de la musique sans... Oh, ça doit être lui qui t'empêche même. Beethoven m'empêcher parce que je m'appelle? Est-ce que ça l'empêchait lui de s'appeler Beethoven de faire de la musique? C'est bien même tout le contraire. Bébé Bettina, ne dis pas des énormités aussi énormes. Oh, je suis triste. Lui, c'était pas pareil. Lui, mon pauvre loulou, je suis sûre qu'il avait une manière à lui d'être Beethoven qui n'était pas pareille à ta manière à toi d'être Beethoven. Eh oui, je sais, je suis encombrant. Il y a des moments où moi-même je trouve que je suis encombrant. Ouais, je suis fatigué. La musique, j'en ai plein jusque dans les petites oreilles qu'on a dans les grandes. Bettina Beethoven. C'est moi, c'est quoi? C'est un nom? C'est ce que je veux que ce soit, rien? Oh, je te le donne. Mais dis-moi, si je suis vraiment fatigué, qui d'autre veux-tu que je sois? Personne. Oh, je t'en prie, personne. Ça ne te réussit pas, et puis à quoi bon? On est très bien personne, je te le jure, personne comme tout le monde. Les gens qui n'ont pas de nom, qui dorment sans nom, comme le sommeil les prend, qui laissent le sommeil emporter leur nom, comme des bébés dans des paniers d'osier noir au fil de la rivière. Est-ce qu'un nom a un bébé? Est-ce qu'un bébé criera son propre nom quand il a mal aux dents? Mais je ne suis pas un bébé. Oh, viens dormir. Non, tu n'es pas un bébé chez ces Zig, mais ça t'empêche pas d'en faire. Milton! Oh, la paix, mignonne, je ne suis pas un bébé non plus, hein? Moi, un bébé? De qui? À qui? Hein? De qui? À qui? De qui? À qui? Comment un, ça? De qui? Eh bien, à oui, qui? C'est pas lui, c'est moi. De qui? À c'est toi qui quoi? Le qui? Bébé, c'est à moi qui. Oh, assez, Guillaume! C'est pas ce que je veux dire. Non, tu entends dans cette grande bringue de contrebasse, hein? Ça remue, je l'ouvre pour voir, tu vas voir. Ton violon noir, t'entends? Tiens, le voilà. Le voilà. Un bébé, hein? Tu crois qu'on a le droit de se faire des bébés avec n'importe qui, avec n'importe quoi, hein? Ton alto? Il y a des instruments, on a le droit de se faire de la musique avec, mais sa grand-mère était contrebasse, hein? Son père était violoncelle, n'est-ce pas? Et ça se fait faire des quatuors par des compositeurs de bébés. C'est pas lui, c'est moi! C'est pas toi, c'est lui, mon cocu! Comme à Bizerte. Qu'est-ce qui s'est passé à Bizerte? Je m'appelle Beethoven, je n'ai jamais mis les pieds à Bizerte. Véronique. Angélique, je m'appelle. Crie pas, c'est ce que je dis, c'est pas pareil. Et à qui est-ce qu'on dit que j'ai fait un bébé à Bizerte? On parle de Véronique. C'est vous, Milton, qui avez fait un bébé à Véronique à Bizerte? Non, c'est moi. Et vous allez rendre son alto à mon alto, hein? Mon alto, car je suis chez moi. Tiens, le voilà ton alto. Mais c'est pas lui, c'est moi, Véronique. Et lui? Ben, ça n'empêche pas, je suis bien d'accord avec vous, Milton. Et toi? Moi, je suis mort en 1827, alors. Et toi, qu'est-ce que tu as fait quand elle a été morte? Et elle? Véronique, quand elle a été morte, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Et moi? Dans son étui, l'altise. Cercueil. En bois, comme son alto, son cadavre, il a dit quoi? Pas dit, il a fait quoi? Oui, dit, elle, dans sa boîte? Pas elle, dit, qu'est-ce qu'il... qui, est-ce qu'il a fait quoi? Mais qui, lui, Guillaume? Et quoi fait? À elle. Alors quoi fait? Eh ben, dis-le si tu le sais. Dis-le! Oh. Elle était morte, alors. Vous pensez comme ça m'a fait quelque chose? Alors? Je m'en fiche. Je m'en fiche bien. Quoi? J'en ai assez, là. Voilà tout, j'en ai assez. Allez-vous-en, là. J'en ai assez. Quoi? Bon, alors, si tu veux des estroncations, moi, je te vais dire un peu... Quoi? Où est-ce qu'on en est, tes comptes? Monsieur le comte, il compte, il continue à compter fort mal. Où est mon truc? Mon oncle? Celui qui était dans mon violon? La chose qu'on appelle autrement en turc, là, le qui était dans mon violon? Tiens, prends le mien, il est tout noir. Non, c'est pas mon violon! Mon violon! Mais retire-moi cette espèce d'autre violon! Je vais pas attraper des maladies, range-moi ça! Autant jouer du corbillard comme sonorité! Bah alors, qu'est-ce que t'en as foutu de ton violon, hein? Moi? La musique, ça m'ennuie, là, ça m'ennuie, maman, ça m'ennuie, la musique! Pas de ma faute si je l'ai oublié. Oublié. Non. Je l'ai perdu, mon violon. Voilà tout. Alors? Elle n'est tout de même pas restée dedans. Qui? Véronique, la bien-aimée absente. Schwartz! Ah oui, pas parfaitement. Schwartz, je l'ai avalé. Schwartz. Demandez-le à Tiribuyenborg où il est, Schwartz. Ouais, laissez Guillaume tranquille. À lui, Schwartz, où il est. C'est ce que nous allons faire. Parfaitement, tous les deux, lui et moi. Parfaitement. Bon. Où est Schwartz? Où est Schwartz? Schwartz et Schwartz fascismus. Je t'entouillerai, moi, la honte, moi. Ligotiné comme fruit, ma grosse monteur sur une bichette. Philippe Emmanuel. Je suis dans la honte, mais j'entouille. Il se touille. Et j'en touillerai dans le fond de la mare, crever tout parmi les crevettes. Il se touille, hein, monsieur se touille. Eh bien, je te jure que tu te touilleras plus guère. Passez-moi mon bignou, m'étonne. Le fond de la mare, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les crevettes? Parlez français. Français? Il sait parler français. Brique, brique et brique. Je sais parfaitement parler le français. Il suffit que je me surveille. Je craignais qu'une surveillance trop étroite ne me fît perdre de mon naturel. Puisque vous ne semblez pas tenir à mon naturel, je me surveillerai désormais. Au reste, dans la posture où vous m'avez posturé, mon natural n'a plus grande chance de garder une signification. Mon natural, à cette heure, j'en conviens, manquerait lui-même de natural. Retirez-lui son ligot, Milton. Oui, chef. Et rendez-moi d'abord ma boîte à navigation. Bon, rendez-lui dans sa boîte, Camoens. Schwartz. Nous étouffons, monsieur. Patientez un quart d'heure, vous saurez ce que c'est que d'étouffer vraiment. L'air se raréfie. Le temps presse, messieurs. Et puisque vous semblez souhaiter quelques explications, je suis prêt à vous les donner. Posez-moi vos questions. Ensuite, vous me permettrez de m'installer là-bas, à mon clavier. Piano. Clavier, ce n'est pas un piano. Bah, si nous sommes au fond de la mer, il faut nous le dire. Nous sommes au fond de la mare. Du reste, depuis quelque temps, je reçois une goutte. Ici, il y a une fuite. Si nous sommes dans un étui à violon, même au fond de la mer, il faut nous le dire. Et cet étui à violon où nous sommes n'est pas un étui à violon, c'est une bidouille. Et vous? Le pilote de la bidouille, mademoiselle. Qu'est-ce qu'une bidouille? Voici la maquette. Ben, c'est mon étui à violon, ça. Ici, oui, là, nous trouvons contenu. Et là, ici, par-delà la cloison, sont les turbines, voilà. Dans la bidouille, nous sommes, soit... Et dans quoi, la bidouille? Dans le fond de la mare, sur sa rampe de lancement. Et hop, nous voilà partis. Moi-même, pilote, à mon clavier. Pour aller où? Schwartz! Où est Schwartz? Pour aller où est Schwartz, justement, mon cher mademoiselle. Là où Schwartz ouvrira, comme je fais, cet étui. Crac. Voilà. La bidouille, son plafond, son couvercle. Schwartz, grand coadjuteur de la principauté, dont j'assouis le pilote au clavier de ma bidouille. Soit, en bidouille véhiculée, nous allons où est Schwartz? Est-ce à dire dans un endroit, et dans ce cas, quel endroit? L'endroit du Nil, mon cher Masmoudil. L'endroit du Nil d'air, d'une bulle d'air entourée d'eau de tous côtés. J'explication. Voyez cet instrument. Ah, mon violon. C'est une contrebasse. C'est un violon, mon cher. Nous allons. Oui, nous allons chez les morts immortels au fond des océans, là où sont les grands hommes. Et ceci, monsieur Camoens, n'est pas une contrebasse pour petit homme, mais un violon de grand homme, car les grands hommes sont très grands. Pour jouer de ce violon cultural, monsieur Milton, il faudrait que vous montiez sur les épaules de monsieur Camoens. Et alors, monsieur Chessizig, grimpant sur les vôtres, parviendrait peut-être à le loger sous le menton. Encore que le plafond étant trop bas, il faudrait pratiquer un trou. Eh bien, les immortels jouent de ce violon cultural. Et vous verrez Schwartz tout à l'heure. Immense, tout noir. Il se penche, il vous saisit par la poignée et il vous emporte vers la salle du Cultural Festival où vous attend Ludwig van Beethoven lui-même. Si j'explication. Vous n'avez point été sans remarquer combien toute puissante ici ça ressentit la présence de Beethoven. Beethoven, tout partout, parmi les betteraves, et dans le trou des vagues, il tourne. Du calme, c'est dommage. Ah, et ça, c'est quoi? C'est du Beethoven. J'en suis bien satisfait, ça prouve qu'ils sont toujours là. Dans le fond de la mare avec nous. Qui? Mon cousin Philippe Emmanuel. Et qu'est-ce qu'il fait là, votre cousin Philippe Emmanuel? Thierry Buyenmore, il s'appelle aussi, comme moi. Vous entendez le quatuor Parkinson? Tim. Parkinson, il s'est tiré une balle dans le violon, Parkinson. Il n'y a pas 8 jours. Sa femme le remplace. Au fond de la main. Oh, je rigole. Lola Parkinson, mon bâton. Solo, mollo. Non, répétez plutôt. Sélectionnez, vous fûtes. Et Parkinson n'est Parkinson qu'entre autres. D'autres étuis répartis dans le fond de la mare contiennent des Rubendorf, Copernic, Berrichon, Stamponner et autres notables quartettes. Au Cultural Festival, en présence de Beethoven lui-même, c'est le meilleur qui gagne, concours télévisionné. Et il gagne quoi, le meilleur ? Un buste de Beethoven en bronze. Ce fameux buste, oui, dont on a tant parlé, qui contient la véritable tête de Beethoven, avec en plus une grosse boîte pleine de fric immortel. Et tout cela est bien invraisemblable. Lola Parkinson, une vraie rigolade. Du fric immortel, le rêve de ma vie, allons-y les gars, c'est pas eux qui l'auront. Ah non, mon vol, mon violoncelle, ton alto, là. Allez, allez, allez, vas-y Guillaume, on les rattrape. En route. Voyez, mon jeu, là, ce clavier, voyez. J'appuie sur les touches et en route. Que je t'explique, Cassiode. Ici, je mets le contact. Je m'assouille, je claviote de ma main gauche qui contrôle la puissance des turbines. Vous entendez le bruit ? Nous partons en ut majeur. Ut majeur, c'est tout de ré. Hein ? Nous décollons tout de ré de notre rampe de lancement sous-marine. Tout de ré au but. Vous, en ut. Si je veux tourner, je module. Vers la gauche, à l'aide d'un fa dièse pris au hasard. Celui-ci, par exemple. Je module en sol. Et si je souhaite un virage à la corde, j'ajoute un do dièse, voire un sol dièse, ré majeur, la majeur. En mi, on entendrait les pneus grincer si l'engin comportait des pneus. Et en si, nous risquons la culbute. Vers la dré, je laisse mes dièses où ils sont et j'attaque mes bémols. Mon si bémol, mon mi bémol. Hein, et nous modulons en fa vers la drette. Nous fouillons. Messieurs, messieurs, nous fouillons. Et nous voici arrivés dans la bulle du jardin au pétrole. Et voici le grand Schwartz. Scoutez. Scoutez. Scoutez Schwartz. Il va ouvrir notre couvercle. Vous scoutez sa clef. Sa clef qui farfouille la serrure. Il ouvre. Ah, attention. Dans la bulle, il reste parfois un peu d'eau. Et voilà, ça s'ouvre. Des respects, monsieur Schwartz. C'était Le Jardin aux betteraves de Roland Dubillard, avec Michel Bouquet, Claude Pieplu, Romain Bouteille, Roland Dubillard, Maria Machado et la participation du Quatuor Berned. Assistante Marie-Cécile Mazzoni, chef opérateur du son Michel Ristich, collaboration technique Annie Lebeg, réalisation Anne Lemaitre.